Cet épisode est une présentation de la microbrasserie Riverbend. Riverbend, brasseur d'histoire. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro-nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 113e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Oh yes! Toujours, toujours. Mais hein, je suis Bruno Georget, je suis avec... Jeff Cron. Fred Jimus. Dominique Bourret, Papa Cassette. Yes! Qui s'étouffe pendant l'intro. ça va réarriver une couple de fois, la vieille bronchite là, qui passe pas encore. C'est tough ça. Ouais. Hey, c'est ça, ce soir en contenu de show, je vais vous parler de NAC 2 et de Nidhogg 2. Donc, moi, je vais faire la couverture de Shinobi 3 Return of the Ninja au Genesis. Et puis, j'ai une belle aventure d'or gris aussi là, à partager plus tard. Toi, GF? Ah, ben je vais parler de Prison Boss VR, un jeu à réalité virtuelle fait à Montréal par la compagnie Trébuchet et Super Blood Hockey, genre de remake de Ice Hockey. J'ai hâte de voir Elle ça. Elle n'est pas manquée. Ah, yes. Toi, ouais. Fred? Et de mon côté, Wonder Boy de Dragon's Trap sur PS4. Nice. Plus deux discussions. Oui. Choisies à même nos fans sur Facebook. Ben oui, exactement. C'est le public qui a décidé de ça. Ouais, on va essayer ça un peu là. Voir. Ça va peut-être pas toujours être le cas, mais des fois, on a des choses qu'on veut dire précisément. Oui. Mais on veut faire participer les gens un petit peu plus. Ben écoute, en plus, il y a tellement eu de suggestions que c'était difficile de choisir un sujet. Mais facile, franchement, ça. Il y avait tellement de stock. Fait que c'est ça. Sinon, GF. Ouais, ben en ce moment, c'est comme une époque de changement pour Rétro Nouveau. Vous savez, on a perdu Nick au dernier show. Ouais. Et puis, bon, c'était des évolutions un peu logiques qui arrivent. Et puis, bon, la prochaine évolution logique était le studio. Et je suis fier de vous annoncer que depuis samedi, le condo a été vendu. Oh, yes! Yeah! Donc, on a finalement quitté ce trou à rats. Yeah! On est dedans! C'est ça! À mort le pont! Yash! Yash! Yash! Fait que je devrais être sorti à midi le 4 novembre. Oh! Le 4 novembre au soir. Ouais. Tu parles d'une date, toi, pour partir? Ouais, c'est une mauvaise date. C'est une mauvaise. Ben, c'est parce que j'ai comme été chanceux. Ouais. Ben, c'est un samedi. C'est samedi du mois de novembre. Non, mais c'est un samedi, c'est le mois de novembre, tu sais. Ça tombe même pas que le WEG. Ah, c'est vrai. Ah non, hein? C'est vrai, ça. Mais en tout cas, peut-être que j'aurais manqué pour la cause, mais ouais, écoute. C'est d'ici un mois et demi, on sera plus ici. Fait que ça risque d'affecter peut-être le show une couple de semaines. Si jamais je me ramasse sans abri pendant 2-3 semaines, on regardera qu'est-ce qu'on va faire, mais on trouvera un beau garage. Ça, on a de l'équipement pour tout faire à distance. Fait qu'on va quand même réussir à produire de quoi. Ouais, au pire, on va sortir le Zoom puis on va faire ça en famille. Ouais, on va prendre le Unity ou d'autres choses. Ouais, ouais, c'est ça. Une caméra. Mais sachez que mes critères de sélection de maison, il y a beaucoup de regards qui sont portés au sous-sol et à genre où est-ce que le studio va aller, puis le salon gaming, fait que c'est très très en considération. Un beau setup permanent qu'on vise. Ah, ça va être écœurant. Ça va être beau. Une belle table de podcast bien construite puis de quoi de solide. Là. La belle, nos beaux Patreons qui vont nous aider aussi à cette entre autres. Exact. Fait que ça va tout être du plus. Pas un fil nulle part, tout invisible, ça va être fou. Ouais. Ouais. Du Porto à grandeur. Ah ouais, je vais amener mon Porto. Le Porto chaud. Le Porto chaud, ça s'en vient. D'ailleurs, il y a un nouveau beau podcast qui fait son entrée. Oui. Absolument, c'est le podcast Le Chac à cassette. Ouais. En français, La Cabane à cartouches. La Cabane à cartouches. En français. De nos amis Michael Larouche, ouais. Kevin Boily, Nicolas Robillard. Et puis Johnny Gretis, Joe Brochu, ben oui. Toute la gang de RetroGamer.ca. Donc un podcast strictement rétro. Leur premier épisode est sorti. Ils se présentent tout le monde et puis ils vont faire de la couverture de jeux rétro un peu, mais aussi beaucoup de trucs techniques. Oui. Donc ça c'est intéressant. Le dedans des machines, comment les brancher, comment ça marche, oui non. Exact. Ils ont une belle chimie ensemble, puis chacun a ses spécialités aussi. Oui. Puis il va être question de beaucoup de consoles obscures là-dedans également. Donc, et du louche. Et du louche. Oui. Effectivement. Ça va être très intéressant. Donc, je tiens à signaler que le son est bon. Ouais. Fait que c'est ça, c'est important bon, dans les podcasts. C'est pas assez bon. Même Michael, ils veulent l'améliorer encore en achetant des, j'imagine. Des micros. Fait que allez voir ça. Allez, je pense pas qu'il y a une page Facebook encore. Je sais pas s'ils vont l'avoir. Non, il y a une page Facebook. Ils ont dit qu'ils en voulaient pas. Un site web. Ils n'ont pas de site web, mais ils ont une page Facebook. Facebook parce qu'en 2017, c'est Facebook. Exact. Michael, peut-être sur les podcasts de jeux vidéo que sur les podcasts de programmation, on va te dire. Salut Michael. Ouais, ça, c'est fini. Ça, c'est okay. La boucle est finie. La boucle est bouclée. Moi, ce n'est pas mon podcast. Moi, je le produis celui-là, mais ouais. C'est le podcast à Ellie et Michael. Ouais. Fait qu'on connaît tous la réputation à Ellie. Il a tué des animaux. Ouais, c'est ça. Il les a montrés. Ouais, je sais. Moi aussi, il les a montrés. J'ai vu des gifs animés de ça. C'est traumatisé à vie. Je dors plus. Aussi, parlant de changements et de choses importantes, le retour de Riverbend à la commandite, mesdames et messieurs. Donc, on a plusieurs beaux canages de cette délicieuse bière de microbrasserie. On est bien contents. On est super contents. Donc, c'est ça, on a eu un petit break, là, c'était l'été, tout ça. Notre stash de bière était fini. Il y a eu des changements là-bas au marketing. Donc, là, c'est revenu. Et puis, on va voir comment est-ce qu'on va rouler ça. Mais on est très heureux de se vider ça dans le corps à chaque épisode. Colin. Et elle est disponible chez Pelousseau, à Montréal, Biérologue Pelousseau. Par contre, ils vendent la bonne bière. Exactement. Si vous allez à Pointe-aux-Trembles, je sais qu'il y a du monde qui nous écoute qui sont à Pointe-aux-Trembles, au Frigo des Dieux, ils ont souvent. Ça porte bien son nom, ça. C'est très haste. C'est magnifique c'est comme place. C'est merveilleux. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, on va commencer ça direct. Yes, sir. Oui. Puis je vais faire la critique de Nidhogg 2. Nidhogg 2, évidemment, c'est un jeu de Massive Game. C'est un petit jeu, c'est une petite équipe indépendante. Et puis, c'est un jeu d'escrime qui avait vu son premier jeu qui ressemblait à un jeu de les sprites ressemblaient énormément aux sprites d'un télévision. Là. C'est ça, un télévision. Ah, c'était magnifique, ça. Puis, c'était vraiment cool, puis c'était vraiment un style de jeu assez snappy où tu jouais, c'était de l'escrime. Là. C'est du 1 contre 1, puis t'en as un d'un côté qui frappe l'autre, puis t'as différents niveaux de ton épée, là, en bas, milieu, en haut. Ouais. Puis tout est à l'horizontale, l'autre. C'est de passer le plus d'écran possible vers la gauche ou la droite. Exact, faut-tu te rendre c'est vers la une gauche course, ou vers la droite. Faut-tu te rendre l'autre bord sans que l'autre il te poinçonne, là, t'sais. C'est ça. Puis c'est ça, dans le premier aussi, tu finissais si tu te faisais manger par la bébite à la fin, si tu te rends complètement à la fin. Puis c'est ça, le deuxième, ils ont décidé de changer complètement de look pour le jeu. Puis ça donne l'impression vraiment que c'est exactement le même jeu, mais en fait, il y a eu des améliorations. Le jeu est pas nécessairement pareil au niveau des tableaux comme tel. Tu sais, je sais que là, visuellement, il y a vraiment un méga changement. Ouais. Mais si on va au-delà de ça, le design des niveaux est beaucoup mieux. Les niveaux sont un petit peu plus interactifs. Il y a des plateformes qui bougent, il y a des trucs qui fonctionnent pas de la même façon. C'est moins linéaire. Puis aussi, les personnages, bon, tu peux, au début, tu designes ton personnage, fait que tu décides tête, torse, pied, puis tout ça. Tu sais, t'as vraiment un bonhomme de base, puis après ça, tu le mets comme tu veux, tu le personnalises comme tu veux. Puis les armes, c'est plus pareil. Maintenant, t'as 4 armes différentes. Fait que t'as ton épée d'escrime que t'avais auparavant. Ouais. T'as une grosse épée plus lourde. Ouais. T'as un petit canif. Puis t'as un arc. Ouais. Puis toutes ces armes-là fonctionnent de façon différente dans leur approche. T'sais, c'est vraiment... Ta façon de te battre avec sera pas pareil. L'arc, tu sais, c'est beaucoup plus lent, mais c'est quand même assez précis. Il est pratique, tu peux pogner quelqu'un de loin. Ouais, ouais, c'est ça. C'est puis, super pratique. Tu peux pratique, garrocher là. N'importe quelle de ces armes-là dans la face de l'autre aussi. Ouais, il fait la job. T'en aller au plus vite. Exact. Puis, tu sais, pour ce qui est de smasher quelqu'un aussi, quand on arrive dessus, tu peux le frapper, puis le frapper à terre, puis le faire éclabousser. Ouais, tu peux le piétiner à mort. Là. Exact. Tu sais, c'est vraiment le fun. C'est super drôle comme jeu. Tu sais, c'est gory, mais drôle. Puis, on dirait que. Celui-là, de la façon qu'ils l'ont fait, oui, c'est dégueulasse, mais c'est beaucoup plus accessible que le premier. Parce que le premier, en fait, malgré le fait que l'équipe de Rétro Nouveau trouve ça vraiment cool, ouais. C'est pas pour tout le monde. Moi, il y a du monde à qui j'ai présenté ce jeu-là, puis ils ont fait comme, ouais, je sais pas, tu sais, puis ils aimaient pas la musique, puis le look, ils trouvaient ça lugubre. Ouais, c'était très lugubre. Fait que, tu sais, quand là, tu joues à ça, c'est plus facilement vendable. Exact, là, c'est plus funny. Public, plus large, en ouais. Même temps, le look rappelle un peu comme les figurines de jouets trash. Des ouais. Oui, ça me fait ben penser. Moi, ça me fait ça. Penser aux Claymation, tu sais, comme c'est les Clay Fighters, ouais, ce genre d'affaires-là qu'il y avait sur Super Nintendo. C'est colorful trash. Exact, tu sais. Pis... Mais pixel quand même, là. Pis c'est ça, puis en fait, là-dedans, t'as un mode à 1 contre des bots. T'as un mode à 2, évidemment, ce qui est le meilleur mode. Tu peux jouer local ou tu peux jouer en ligne. Tu peux faire des tournois aussi. Donc, on t'offre quand même beaucoup d'options. Mais de base, le jeu est quand même assez simple. Ouais, ouais. Où ça devient plus complexe, c'est vraiment dans ta façon de te battre. Parce que tu vas te rendre compte que même s'il n'y a pas beaucoup de boutons dans le jeu, c'est vraiment très précis. C'est de l'anticipation, beaucoup. Là, exact. Puis, ouais, ouais. Puis chacune des armes aussi est vraiment différente, tu sais. Puis quand tu te bats avec le canif, tu vas avoir une différente façon de te battre, mais si t'es rapproché, t'es quasiment certain de tuer l'autre. Ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment hot. Quand tu respawn aussi, mettons, tu meurs un bout de l'écran, puis là, l'autre personnage court vers l'autre sens, puis l'autre, il respawn dans sa face. Exact. Faut que tu penses à ces timings-là aussi quand il y a quelqu'un qui meurt, parce que ça peut... Tu peux utiliser ça à ton avantage quand t'es mort, tu sais, la surprise de réapparaître. Là. Exact. Puis tu sais, même avec l'arc, une affaire que je trouve cool, c'est que si tu tires avec l'arc, puis que l'autre frappe au bon moment, il peut frapper ta flèche pour qu'elle revole vers lui-même. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça, vraiment plein de trucs cool de même. Moi puis GF, on a fait une game dans le Patreon. C'est justement le gameplay qu'on voit en ce moment, on est dans le coin là. Ah, c'était votre game, ouais? Ouais, ouais. Ça, c'était notre game qui a été vraiment très long. Je vais dire que les pas Patreon voient ça. On va en montrer dans l'épisode. On vous en montre un extrait, mais ça a vraiment été une grosse game, super le fun. Moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Sérieusement, n'importe qui aime le party devrait jouer à ça, devrait s'acheter ça. C'est un petit jeu qui est pas cher, c'est fait par des développeurs indépendants, puis ça mérite vraiment là, toute votre attention. Puis ça joue autant avec des adultes que des plus jeunes. T'sais, peut-être pas faire jouer ton kid de 5 ans à ça, mais en même temps, c'est comme c'est bloody, mais coloré. Fait que tu sais, c'est pas si pire que ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, pour toutes ces raisons, je lui donne un 8.5. Super bon jeu. Allez acheter ça. Très beau jeu, ça. Yes. Excellent. Plein de belles Sur personnes. Ce, on s'en va à un sujet qu'on a reçu. C'est Mathieu Boivin qui nous donne le sujet. Il nous dit « Pensez-vous qu'il va y avoir des modifications à la ressortie de la NES Classic l'an prochain? » Parce que c'est ça, Nintendo a annoncé là, officiellement que NES Classic revient. Ce matin même. Ouais. Ce matin. Je pensais que c'était une fausse nouvelle, moi, encore. Ouais, moi aussi. Ouais. Parce que j'essaie d'aller sur la page d'IGN, ça marchait pas. Fait que, mais non, c'est vrai, ça a l'air. Ils relancent NES Classic en 2018. Et ils vont refaire des badges de Super NES Classic aussi. Ouais. Bref, Nintendo a redécouvert de l'amour pour l'argent. Exactement. C'est le marketing le plus bizarre. Là, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais... Non, mais là, ils ont enfin découvert, en fait, comme « Ah, Christy, on peut le faire de l'argent comme de l'eau. » C'est ça. Bizarrement. Ben, peut-être qu'ils n'avaient pas prévu que ça marche à fond de même. Non, là, ils ont eu un problème. Une fois que c'était pas prévu dans l'horaire qu'on en fasse plus, il faut qu'on s'occupe de la Switch. Exact. Puis là, ils ont dit « OK, là, la Switch est sortie, tout est beau, ça roule, on en refait une batch, puis... » Money! En même temps, ils ont dit aussi que bon, la Super Nintendo s'en vient, la Super NES Classic, les pre-orders, ce sera pas le même bordel que pour la NES Classic. Non. Je pense que ça a été pire. Oh oui, c'est sûr. En plus, qu'on l'a pas au Québec, là, mais en général, dans le monde, ça a l'air que c'était épouvantable d'essayer d'avoir la Super NES Classic. Mais moi, cette nouvelle-là me fait penser à deux choses. La première, j'ai comme l'impression qu'ils vont corriger le problème. Tu sais, ils ont juste annulé les précommandes au Québec de la NES Classic. Ouais. Mais ils ont jamais dit, tu sais, il n'y a pas d'annonce qu'elle ne sera pas en vente. C'est juste qu'elle n'est pas en précommande. Ouais, exact. Alors peut-être que de prendre plus de temps, ça va les permettre de justement les mettre en vente ici aussi. Ben, de faire un packaging en français, ce ne serait pas quelque chose de bien, bien compliqué. Ben, ils l'ont toujours fait. C'est ça. Il y a des packaging en français depuis l'Odyssée 2, tu sais. Exact. Et plus vieux que ça encore. Moi, j'ai même vu des systèmes, je me souviens, je pense que c'était la PS3 ou la 360 que j'avais acheté, puis il y avait un carton par-dessus toute la console. Puis c'était le carton en français, mais en intérieur, c'était un système qui était en anglais. J'ai beaucoup de jeux rétro qui sont packagés avec un overlay de carton en français. Simple de même. Là. C'est ça. Puis l'autre affaire aussi, et là, ça va répondre à la question de Mathieu. On sait qu'il y a probablement un fuck-up avec des jeux qui étaient disponibles en version française ailleurs et qui auraient dû sortir et tout. Puis au Nintendo, sur la NES Classics, il y avait la version de Kirby. Ouais. Qui est sorti au Québec en français à l'époque. Oui, c'est vrai. Et qui n'est pas en français sur la console. Ah non. Alors, est-ce que Nintendo va corriger ça? Peut-être. Moi, j'ai comme l'impression que ça va être exactement la même affaire. Les plans sont quelque part, tout est fait. Ils vont juste peser sur Play. Plus. C'est ça. La shop à saucisses va partir. Je me demande s'ils vont corriger le problème du hacking sur la NES Classic, par exemple. Parce que c'est vraiment simple à régler, parce que c'est seulement que leur USB... Il marche dans deux sens. Fait que tu peux écrire ou lire la machine. Hey, bloque l'écriture. Tu nous écoutes. Mais non, mais c'est vrai, on fait des affaires pour ça. Non, mais c'est ça pour vrai. Techniquement, qui se passe. C'est vraiment simple. Mais il y a ça, mais moi, sinon, la seule et unique affaire à jouer qui règle, c'est le crise de fil. Ah, mais ouais, ils n'ont pas compris. Deux manettes dans bois. Deux manettes puis du long filage. Ouais, that's it. Ouais. C'est pas compliqué. D'homme. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils vont le faire, par exemple. Non, ils feront rien. Je suis sûr qu'ils vont juste poser sur Play et en imprimer, genre, encore un paquet. Parce que, en fait, le problème que c'est de la sortir avec des fils plus longs, ce serait comme admettre que la première avait un défaut. Ouais. Ah, mais ils l'ont fait pour la 3DS. Ils en ont refait plusieurs versions. Sauf que ça coûte des sous refaire, remanufacturer, tout ce genre de. Moi, la raison pour laquelle, en tout cas, j'aimerais pas qu'ils le fassent, c'est pour la même raison que les Amiibo. Quand les Amiibo sont sortis, tout le monde s'est créé une rareté, puis là, on vendait des Amiibo à 100$ parce qu'ils étaient rares. Ouais. Ouais. Alors que, tu sais, un collectionneur sait que tu devrais pas payer le prix collectionneur pour un item que tu sais pas c'est quoi le tirage. Ouais. Alors déjà là que Nintendo avait dit que c'était terminé la production, fait que de recommencer ça fuck déjà un peu la collection. Ouais. Mais là si en plus il arrive puis avec comme un modèle amélioré ou une version 1.2, ben là tu vas avoir la même chose qu'avec les Amiibo parce que le monde vont dire ah ça mais ça c'est une first batch. Exact. Ouais. Ah mais je pense qu'ils vont le dire pareil même si c'est exactement la même version. Ouais. Ils vont dire ouais, mais regarde le numéro de série parce que les collectionneurs sont malades de même. C'est quoi les collectionneurs? C'est les gars qui ont payé 400$ qui vont être sûrs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est là que se sont fait fourrer. Hey, non mais c'est ça. C'est la première édition. Non, elle vaut vraiment pour vrai. Mais ça, imagine le gars qui a payé 300$ sur eBay là de faire comme ouais. Mais attendons voir s'il va vraiment en avoir pour tout le monde. Parce que peut-être que ça va être encore une petite batch puis que ça va être aussi peut-être retrouver un truc dans le fond de l'océan. C'est ça, c'est peut-être pas grand chose non plus. T'sais. Non, moi d'après moi, il va en avoir en masse. Mais moi, ce qui me fait peur en fait, c'est mon souhait le plus profond en fait, c'est qu'il y ait un Netflix de Nintendo là, sur la Switch. Ah. J'ai peur que ça vienne fucker les plans. Ben, c'est parce qu'ils sont pas capables de le faire, le Netflix de la Switch, pour l'instant, qu'ils ressortent la Netflix. Non, ben en fait, ils ont toujours dit. Ça cache tout quoi d'autre, là, ce ils ont toujours dit qu'on verrait rien du online avant janvier. Okay, que c'était vraiment. C'était sûr et certain. Ça, c'est que... vrai. Ça, c'est vrai. Fait que, tu sais. Je suis pas mal sûr, moi aussi. Ils ont dit ça. Puis, en même temps, tu sais, ils ont donné. Des quelques lignes, tu sais, genre, tu vas avoir accès à une sélection de jeux dont quand tu vas être abonné, tu sais. Fait que, tu sais, c'est déjà la promesse de ça est là, mais c'est de savoir jusqu'à quel point. Ça va-tu être 5 jeux, ça va-tu être 12 jeux, ça va-tu être toute la librairie de Nintendo, puis après ça, les third parties vont embarquer au fur et à mesure, comme PlayStation Now ou Xbox One aussi, on se service là, tu sais. Mm. Fait que... C'est sûr que ça pose des questions parce qu'on le sait, le licensing pour tous les jeux qui sont sur la NES Classics, t'sais, ça reste quand même des coûts, ça reste quand même de la gestion et tout. Puis, on a parlé de pourquoi c'est Super C qui est là et pas contre. Pourquoi. Oui. Ben, c'est le même depuis la Wii, moi je trouve personnellement. Là. Ouais, mais c'est pourquoi ils mettent pas toutes? C'est le licensing. Ben, c'est le licensing là, qui est compliqué. T'sais. Fait que, tu sais, est-ce qu'ils vont s'être cassés le basic? Non, je pense aussi que auparavant, tu sais, depuis la Wii, Nintendo est sans cesse en train d'essayer de, tu sais, ils montent une côte, mon gars là, puis ils ont pas de souliers là depuis un crise de bout. Puis là, dernièrement, la Switch a comme pris son envol, puis le monde sont comme, ok, c'est une machine qui est fiable, puis qui est viable, tu sais, on fait du profit, puis il y a de l'argent à faire avec ça. Fait que j'ai l'impression que à ce moment-là, quand il y avait la Wii puis la Wii U, eux autres, ils perdaient pas leur temps à dire comme oh, on va aller voir si on peut avoir la licence de Bayou Billy, mettons. Ouais, ouais. Ils perdaient pas leur temps à faire ça. S'il y avait légèrement de problème à faire quelque chose, ils le faisaient pas parce qu'ils devaient se concentrer sur leur first party, tu sais. Mais il y en a sorti quand même pas mal des jeux. Oui, ils en ont sorti. Aussi sur la 3DS, tu sais. Oui. Des jeux qu'on s'en fout un peu, là. Out of nowhere, oui. Tu sais, des jeux de NES, là. Urban Champion. Personne n'a demandé. Ouais, ben ça, c'est à eux, là, tu sais. Mais en tout cas, j'ai pas en tête, mais des fois, je brasais. Mais non, c'est vrai qu'ils ont sorti des affaires des fois. Ce jeu-là. On s'en fout de ce jeu-là. Pourquoi? Oui. Personne veut jouer à ça, tu sais. Fait que c'est comme random un peu. Mais moi, sérieusement, tu sais, comme en sachant puis en voyant comment est-ce que c'est facile de hacker la NES classique qui est sortie, j'ai plus aucun intérêt pour la Super NES classique. Non. Puis, en fait, c'était mon seul intérêt par rapport à cette machine-là, qu'elle soit hackable et transportable si facilement avec tous les Raspberry jeux dedans, partout. Ouais, genre, un émulateur portable est joli. C'est juste un fancy Raspberry Pi. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde est pas, tu sais, justement, tu sais, même moi, là, même moi, ben franchement, j'ai pas le goût de me gosser un Raspberry Pi. Je trouve que c'est comme, ça me tente pas, tu sais, je suis du genre justement à aller louer puis à acheter mes affaires parce que hacker ou aller voler de quoi serait étonnant. Je suis comme, c'est compliqué, j'ai pas le goût qu'il y ait un watermark, j'ai pas le goût qu'il y ait les effets spéciaux soient pas là. Ouais, je paye HBO comme un cave pour écouter Game of Thrones tranquille à 9h. Parce que ça ne pas de gosser des affaires, je comprends pas. Il y a tellement d'affaires dans la vie qui sont compliquées, je veux que ça marche du premier coup, tu sais. Mais en même temps aussi, je pense que une des raisons, d'après moi aussi, pourquoi on le ramène, c'est que là, en ce moment, t'sais, sur le marché chinois, on a vu commencer à apparaître un paquet de clones qui sont vraiment des copies identiques, mais avec 5000 jeux et tout. Non, puis même si tu vas sur ton Facebook, là, t'as souvent des annonces genre de monde là, qui sont comme clear as day, sont direct dans ton feed, sont légales. Puis là, ils écrivent comme « Hey, tu peux avoir exactement ce que tu veux avec la NES classique puis la Super NES classique. » Mais en une machine, pour un paiement de 40$, tu sais. Puis c'est tout le temps une affaire louche, mais tu sais, t'as comme 3000 likes à ces affaires-là. Puis, tu sais, ils se font voler un marché, puis ils se font voler avec l'émulation. Ils se font salir la réputation. Ah, exact. Fait que je me dis, à un moment donné, Chris, sautez sur l'occasion parce que vous manquez le bateau bien raide. C'est juste ça, là. Mais bref. Il encourage la racaille. Oui. T'as jamais vu autant de guenilles et de racailles dans le monde. Que depuis la sortie de cette console classique. Là. Parce que le monde y aveugle, la NES classique. C'est pas NES. Prenez des pre-orders avec des temps comme on en soit une batch, telle date, mais on va tout vous en donner à une date X. Exact. Faites un Kickstarter. Facilement. Ouais c'est ça. T'sais. On va tout vous en donner. Là. c'est sûr. Un après l'autre. Il y a Reggie qui a dit ça aujourd'hui, justement. Il a dit qu'il pas acheter des. Il a dit achetez pas des copies ou des affaires de même. Là. Il va en avoir pour tout le monde. Ah ouais, c'est il a dit ça. Juste, il est écœuré. C'est pour ça qu'il ramène ça. Colin, là. Ok. Salut, Reggie. Fait que c'est son conscient quand même. Il va vraiment en avoir pour tout le monde. Je pense que lui, tu sais, c'est ça. Peut-être plus Nintendo of America qui ont fait comme, hey, on a l'air cave en tabarnak, les gars. Là. Il est temps qu'on fasse de quoi, là. Ouais, 80$, tu sais, qui pourrait leur rapporter, genre, imagine. 65$ de profit. Ouais, c'est ça. C'est comme, même pas à eux en ce moment. Il s'en va, genre, à AliExpress. Ah ouais, AliExpress, man. Ce gars-là, il est mort de rire. C'est un Ali Express. Ali est plein. Mais bon, bref. C'est vraiment son prénom et son nom. Ouais. C'est ça. Ali Express. Est-ce que ça va changer? Est-ce que le packaging, tout va être différent? Moi je prédis que non. Moi, je prédis que oui. Qu'après, ils vont le packager avec deux manettes. Ils vont en sortir en édition deux manettes. Comme JF dit, je pense que même si c'est de sa faute, s'ils vont corriger les erreurs protection, je pense qu'effectivement, elle ne sera plus... Ils vont peut-être la sortir en édition NES Switch, c'est-à-dire une NES et une Super NES collées ensemble. Ce serait assez malade, ça. Comme, ça comme côté Two-Face, là. Ouais. Ce serait pas pire. Ah ouais, comme Two-Face. Ouais, en Transformer, tu le modifies, puis ça devient une NES, puis là, tu le déplies, puis ça devient une Super NES. Ah, what's this malade. Monstrosity? On capoterait sur Internet. Ça serait malade. Moi, je veux le char de Homer. Ouais, c'est ça. La Homer. Ouais, là, t'as Reggie qui dit, You did this. It's your fault. You made us do it. La Homer. La Homer. La Homer. Yes. Oh boy. Bon. Okay. Prochain topic. Yes. Hey, oui. Jean-François, t'es-tu prêt? Oui, je suis prêt, Dom. À mettre du gameplay pour un des meilleurs jeux de Genesis auquel j'ai joué depuis très longtemps. Ça, c'est pas de la guenille. C'est pas de la merde, ça, mes amis. Ça s'appelle Shinobi 3 Return of the Ninja Master. Ooh. Et puis, c'est ça, j'ai acquis ce jeu-là, dans le fond, dans un grand lot que j'ai acheté pour revendre, on va se le dire. La collection de Nick Chalifou, mais j'en ai gardé une coupe au travers de ça. Puis ça, j'avais jamais joué. Donc, est-ce que je le garde ou non? Je l'ai testé un petit 5 minutes. Puis quand j'ai vu la... J'avais pas le temps de le faire, là, mais quand... Tu sais, je voulais juste voir. Et quand j'ai goûté à la fluidité du gameplay, je me suis dit, celui-là, je le garde, puis je vais déguster ça plus tard, comme un bon fromage. Mettre ce comme un bon Porto 25 ans. Comme une bonne River Bend, là, vieillie en vue. Donc, voilà. Et puis, ça, mes amis, c'est tout... Ça, c'est comme... ben, je pense que c'est Shinobi classique. Je suis pas habitué, là. Avec c'est comme, Shinobi classique. Ouais. Ouais. Ben, c'est comme le c'est comme vraiment une version boostée aux stéroïdes. C'est boosté aux stéroïdes. D'abord, Shinobi, à la base, son arme, c'est de tirer des petits couteaux de ninja, là, dont j'ai oublié le nom. C'est Shuriken. Ouais. C'est pas des shurikens. Oui, c'est des shurikens. Non, c'est des couteaux pointus. Des shurikens, ouais, c'est des étoiles de ninja. Ben dans les menus, ils appellent ça des shurikens. Ouais, regarde en haut de l'écran. Non, je sais, mais ils appellent comme des menus. OK, bon, ben shuriken, mais c'est pas ça. Maudit. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est ton arme de base. Et puis tu peux comme dasher et puis faire un slash avec ton épée. Tu peux double jumper, qui est quand même assez difficile à faire. Ouais, il faut que tu sois au pic, pic, pic. Faut que tu sois au pic du jump, au maximum du jump, puis là, tu peux double jumper. D'ailleurs, il y a un niveau qui utilise juste cette mécanique-là parce que t'es comme en train de tomber dans un précipice. Ouais. Puis t'as des rushs, faut que tu tailles en hauteur. Fait qu'un niveau très difficile qui vont en décourager plusieurs, mais il n'y a pas juste ça. Et puis, on le voit ici aussi, t'as comme un dive kick très utile. C'est fun. Triangle jump, pour reprendre l'expression de Astrider. Tu colles au plafond, puis tu avec tes mains, là, tu te promènes au plafond, dans le fond, quand plafond il y a. Donc, c'est ça, moi, qui m'a charmé. Ouais. C'est le personnage, il est pas stiff, là. T'en as des choses à faire. Up. Si tu veux pas tirer des shurikens, t'as juste à dasher, puis à dive-kicker le monde. Ouais. Puis des fois, le jeu, il est pensé pour que tu fasses ça, puis pour que ça aille vite, tu sais. Donc, c'est trippant au niveau du gameplay. Le graphisme, il est magnifique. Ah oui, moi, vraiment, j'ai trouvé ça très, très, très beau. Mm. Et puis, chaque niveau est très différent. C'est nature industrielle. Et puis, ça finit très techno, dans le fond. Fait que là, ici, on est comme dans une grosse usine, là, des tuyaux et tout ça. L'eau a l'air propre. T'as comme un tableau aussi, qui c'est comme des vidanges organiques, là, puis un gros bonhomme avec exact. Une main. Ouais, c'est comme bio, là. Ouais, c'est biomécanique dégueulasse, puis le boss, c'est une grosse merde, là. C'est pas punk, là, cyberpunk, mais un peu quasiment. C'est très différent de niveau à niveau. T'as, ouais. T'as un niveau aussi, c'est comme un feu de forêt, et puis du kérosène, puis des bonbonnes de gaz partout. Ouais. Là, faut pas que tu restes dessus trop longtemps, sinon ça explose. Fait que tu cours au travers de ça. Puis il y a des niveaux très très très beaux. Un à cheval, ouais. C'est comme sur rail, tu sais, dans le fond. Fait que ton cheval, tu fais ralentir, tu vas plus vite, tu sautes, tu tires des shurikens. Donc, puis il y en a un autre de même, sauf que c'est du surf, qui est le niveau qu'on a vu en ouverture de gameplay. Fait que c'est du surf sur le fleuve Saint-Laurent, plein de pollution à l'entrée de l'usine qu'on voit présentement. C'est magnifique, là. Puis c'est badass, tu sais, le positionnement qu'il y a sur sa planche de surf quand tu te penches. Il est comme full attitude, tu sais. C'est crisque, c'est badass, ce niveau-là, c'est malade. Même le cheval, c'est vraiment hot, là. Ah non, c'est vraiment... Moi, c'est un de mes préférés aussi au Genesis. Ben ouais, man. Pis, ben c'est que j'aime, moi aussi, une affaire que j'aime de Shinobi, c'est que je trouve qu'il colle. Ouais. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme sticky un peu. Collant. Ouais, ouais. Ben, il est sticky. Il faut que tu pèses par en haut quand tu jumps, dans le fond, pour qu'il colle, comme on vient mais de voir. Mais tu sais, il glisse pas. Tu sais, il y a pas de. Non, c'est ça, il est stiff. Si tu sautes à quelque part, tu sais où tu sautes. Tu sais exactement où tu sautes. Ah, ouais, c'est là. Du un pour un. Une affaire qui est dure, par exemple, c'est quand tu te promènes, quand t'es accroché au plafond, ton bonhomme, il fait comme un mouvement très large de va-et-vient avec ses bras, là, tu sais, puis il est comme trop large. Dans le dernier niveau, t'as des trous, là, puis des affaires qui te tuent tout de suite, fait que si t'avances, là, il fait comme wow, il met une main dans le vide, t'sais, parce que faut que tu partes de plus loin. Ça a gossé, ça a joué de la misère à ce niveau-là. Mais on n'a pas toujours des continues. T'as le choix de choisir easy, normal... hard et very hard. Moi, j'ai joué à normal, comme un gars normal. Moi, je joue toujours à normal. Ah oui. Et puis, j'ai pas mis plus de shuriken parce que t'en ramasses beaucoup dans les niveaux. Et puis, regardez, là, c'est la belle planche de surf qui revient. T'en ramasses beaucoup dans les niveaux, mais quand tu meurs, t'es perdu. Tu retombes à 50, tu sais. Mais 50, c'est assez. Même quand tu meurs, là, t'as pas nécessairement besoin de te débrouiller tout le temps avec ton épée. T'es jamais à court. Il t'en donne en masse. Et puis, t'as un pouvoir magique aussi. T'en as... 4, je pense. Ouais. Ça, c'est drôle. Il y en a un, c'est comme un éclair. Là, t'as comme un éclair. T'as de l'électricité sur toi. Puis ça, tu peux absorber 4 coups. Le deuxième, c'est des genres de vagues de feu. Il y en a un autre, c'est quoi? Donc, t'es comme un multiplié. Là, ouais. Comme dans Ninja Gaiden 2. Des hologrammes de toi. Là. Et ça, c'est pourri. Ça marche pas. Puis l'autre, je savais pas c'était quoi, tu sais. Puis moi, je les essayais au boss. Pas un dragon? Puis c'est un Arakiri. Tu te tues, tu sais. What? Tu exploses. Je sais pas à quoi ça sert. Chris, je me suis Simonet. Tué. Comme un boss, piège. Non, calé! Mais voyons donc. Je rushais comme un malade. Je me suis dit, ah, ça y est, man, je sors la grosse magie que j'ai jamais essayé. Aïe. Ah, j'étais vraiment fâché. Ah, Varnac, fait qu'il y a une option suicide. Ben, ça a l'air à ça, tu sais. Faudrait... J'ai le bouclette en plus. Ah, c'est des jeux d'arcade avec des pièges comme ça tout ouais. le temps. Là, ouais. T'sais. Puis mettons, je t'ai accroché sur une corniche, puis une petite boîte que tu pètes pour ramasser les options. C'est la dynamite. Là, je me suis dit, oui. Ah, ben, voilà un item. Pète la boîte, paf, la dynamite te pète d'en face, tombe dans le trou. J'étais en crise parce que j'étais vraiment rendu loin en plus. Là. Ah, c'est cheap. Mais au début, je me suis rendu avec toutes mes continues à la moitié du jeu. Ouais. J'ai refait un autre game, je me suis rendu comme très proche de la fin. Puis là, j'ai refait un autre game. Puis là, je me rendais à la fin sans mourir presque. Fait que tu sais, très vite, là, t'es comme. Ça te rentre dedans, man. Puis tu deviens bon, tu deviens rapide, t'es edgy. T'es un ninja master. T'es un vrai ninja master. Tu l'as, là. Ça, là, c'est Strider, man. C'est ouais, ça, exact. C'est ce que ça devrait être. Ouais. Mais Shadow Dancer, c'était-tu un shinobi ou ouais, c'est. Mais ouais, mais il paraît que c'est le... plus clunky. Ouais. Hein, ouais. Ça, c'est comme. Parce qu'on m'a souvent dit que Stem Shinobi joue à Shadow Dancer, mais j'ai jamais joué. Non, je pense que des commentaires que j'ai recueillis, ça serait lui, le Shinobi, vraiment le plus trippant. Okay. Ah ouais, ça c'est le meilleur. Puis j'ai essayé celui à la 3DS aussi. Puis, ouais. Mais ils en ont fait aussi une version 3D d'un Shinobi. Ouais, au PS2. Je me souviens plus si c'est le premier. Non, mais. Je sais pas s'il compte dans la série. Ah non, tu parles. Un des trois premiers sur Genesis. A été refaite, a eu une profondeur 3D pour la 3DS. Ah, okay. Ouais, ils ont comme ouais. une collection de ces gars qui ont sorti le 3D. C'est sûrement le premier. Ça doit être le premier. Premier qui ressort tout le temps. Là. Ouais. Celui-là, il est plus compliqué. Là, il est plus, ouais, hein, il est plus rough. À ce qu'on, à ce qu'on il est vraiment dit. Le fun. Moi, quand je joue à ce jeu-là, le contrôle du personnage et tout. Là, c'est... Mais c'est le fun en Chris Shinobi. Ben, en tout cas, celui-là, il est un fier représentant de la série. Là. Moi, man, j'ai adoré ce jeu-là. Vraiment. Là, ça a été combien tu peux avoir ça, Genesis? 20$. La pas cassette cher. L'eau, c'est bien. L'eau, okay, c'est bien. Il est commun quand même. Complet de cinquantaine. Peut-être, je sais pas. Pas okay. Ouais. C'est un très bel item. Et puis, c'est pas rare, là, tu sais. C'est pas commun, mais non, ça vaut la peine. Ça coûte... Ben oui. C'est ça. Oh! Puis, c'est ça, j'ai réussi à finir le jeu sans trop de problèmes. Sérieux, c'est, j'ai recommencé avec joie à chaque fois que j'étais game over. Pour vrai de vrai, là, ça me dérangeait même pas. Je suis comme, OK, à soi, je me repogne. Puis là, je rejouais, puis j'étais vraiment crinqué. Trop hot. Donc, je donne un beau... JR, j'ai besoin d'aide. 9! Je t'ai donné mes... 9 sur 10. Je t'ai donné mes infos tellement tôt. On est tellement rendu tête. Que je me rappelle même plus que j'avais dit. Fait que c'est un bon 9, bien à côté. Ça pourrait même être 9.5. Sérieux. La musique est bien aussi. Elle n'est pas malade. Ouais. Ça pourrait être mieux. Mais non, c'est un gros 9. Oh, un must. Cool. GF! Oui, on va aller faire un tour dans l'univers du VR, en fait, oh, avec cette magnifique bannière. Perdu dans le VR! Cette semaine, j'ai été pris dans le VR et j'ai été passé un peu de temps en prison avec le jeu Prison Boss. Je sais pas si c'est pas le bon, t'as un peu. Prison Boss VR, développé et publié par la compagnie Trébuchet, c'est disponible sur PC seulement sur HTC Vive. Oui. Donc, je vais vous mettre du gameplay pendant que j'en parle, en fait. Ça, c'est un jeu, dans le fond, qu'on s'en va en prison, et c'est un jeu qui possède trois éléments, c'est-à-dire du crafting, de la gestion d'inventaire et puis un peu camoufler son inventaire dans sa cellule. Fait que ça, c'est un jeu qui est, je n'ai déjà parlé ici un peu, qui est room scale, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la grandeur de ta pièce. Fait que ta cellule va devenir ton play area, la grandeur de ta pièce. Fait que t'as jamais à te téléporter ou rien. Tu passes ton temps là, vraiment en prison. Fait que l'immersion pour ça est très bonne, d'être nice. En cellule, d'être pogné là. Fait que dans le fond, comment ça marche ce jeu-là, c'est que... Il y a deux types de gameplay, un gameplay de jour, un gameplay de nuit. Donc de jour, t'as un gars qui va venir te voir, un genre de pusher de matériel, puis il va te dire « Bon ben, j'ai des gens qui ont besoin de tel item, tu pourrais-tu faire des cigarettes, faire de l'alcool, faire des pépages, des affaires comme ça? » Fait que là, t'as... un univers reluisant. Ouais, c'est là... comme en prison, là. Ouais, ben ça, mais dans le fond, Prison Boss, parce que si tu viens, que tu donnes au monde ce qu'ils ont besoin, mais ta réputation va augmenter, tu vas monter de cellules, tu vas devenir un peu le king de la prison, en fait. Et puis, donc c'est ça ce que je disais, c'est qu'il y a trois types de modes de jeu. Gestion, crafting et puis cacher des objets. Je dirais que le mode le plus intéressant dans le jeu, c'est vraiment la gestion de l'inventaire. Fait que ça va marcher un peu comme tous les jeux qu'on va avoir sur nos téléphones, là, qu'il faut que tu gères ton staff puis ton inventaire. Puis ah, je dépense tant, ça me redonne tant. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne. Parce que là, on me voit jouer en fait. Là, on va voir un peu c'est quoi une journée typique dans l'univers de Prison Boss. Donc là, j'attends mon pusher qui vient me dire « Bon, ben voici les éléments que j'ai à te donner aujourd'hui, ça coûte tant. Voici les jobs, telle personne a besoin de telle affaire. » Donc là, il faut que tu balances tout le temps un peu ce que tu vas construire, ce que tu vas revendre, ce que tu vas donner à d'autres gens, parce que ce que tu donnes aux autres prisonniers te monte en réputation, mais te donne pas d'argent. mais t'as besoin d'argent pour acheter des matériaux. Fait que ouais. c'est un genre de balance entre les deux. Ouais, ouais. Fait qu'une fois que t'as décidé vraiment, comme, ok, ben j'achète ça, ça, ben tu vas aller sur le mur, tu vas aller mettre le mode nuit, puis là, c'est là que le crafting va embarquer. Fait que le crafting, dans le fond, c'est que dans le jeu, il y a quatre niveaux, quatre types de cellules. Et puis à chaque cellule que tu vas arriver dans le mode histoire, ils vont te débarrer trois nouveaux crafts, entre guillemets. Donc tu commences, au début, tu peux juste rouler des cigarettes dans du papier, des feuilles lignées. Tu peux écrire des lettres d'amour vraiment weird, puis tu peux faire de la corde, je pense, au début. Comme là, on vient de voir, je viens de tomber en mode nuit, donc là, c'est un peu de jouer c'est avec... C'est là que tu fais tout ton shit, là. Ben, c'est ça. Puis là, en fait, le fun de tout ça, c'est que faut que tu fasses attention, il y a des gardiens qui passent. Oh ouais, God. C'est ça, faut que tu les surveilles. Fait que quand les gardiens passent, faut que tu caches ton stock, tu sais, dans les armoires que tu vas t'acheter ou un peu partout. Fait que faut vraiment que tu te dépêches... Donc non, c'est un jeu qui est quand même le fun, là. Est-ce que quand tu donnes les mauvaises choses aux autres prisonniers, genre, ils te poignardent dans non, le cou? Non, tu peux pas, en fait. Ouais, c'est juste que tu cliques, puis tu fais un crochet pour dire je donne ça, puis okay, c'est okay. Ah, c'est ça, fait que là, tu sors jamais de là. T'es tout le temps en prison. En train de taponner dans ton ordi. Quand tu finis un level, tu sors de la cellule, entre guillemets, mais je dirais pas c'est quoi pour le monde qui veut jouer pour voir qu'est-ce qui se passe, dans le fond. Comme là, on me voit en train de bon, rouler des cigarettes, là, tout seul, pendant que je regarde s'il y a un... Un gardien qui va passer. c'est malade. Heavenly. c'est trash. Heavenly. Donc, la fois que j'ai moins fait, en fait... On te voit vraiment. En plus, t'as passé. Ouais, si je regarde, s'il y a un gardien... Hey, pour ceux à la maison qui nous écoutent en audio, là, je pense que ça vaut la peine d'aller... Ah ouais, il faut regarder. Suivez le Twitch de Retro Nouveau. Je suis tout le temps en live quand je fais les jeux. Jeff qui roule des cigarettes dans le VR, là. C'est ouais, vraiment, là. Ça a été une belle aventure, tout ça. Mais donc, ouais, comme je disais, 11 niveaux. Quand tu finis le jeu, il y a un mode arcade. Donc, tu peux jouer un peu non-stop jusqu'à temps que tu saches pogner. Okay. L'élément que j'ai moins utilisé, c'est de cacher les objets parce que c'est quand même dur à ramasser de l'argent. Puis, il faut que tu achètes des meubles. J'avais des bugs au début quand j'essayais de déplacer des trucs. Je ramassais le bureau. Fait que tous mes objets cachés tombaient à terre. Ouais. J'ai l'impression que ça a été réglé dans une patch parce que la deuxième fois que j'ai joué, j'avais plus ce problème-là. Donc. Quand tu dis cacher des trucs, là, peux-tu comme. Mais c'est que là, mettons, t'as un tiroir. Physiquement les cacher de ouais, ouais, c'est, part c'est dans... que t'as un tiroir où tu vas avoir une armoire, mettons, okay. Puis tu vas l'ouvrir, tu vas mettre ton argent comme... dedans, puis tu vas le fermer, le gardien va passer, il verra pas. Tu le ressors, puis là, c'est pas comme mettre tes mains okay. Derrière ton dos. Non, c'est vraiment, faut que t'y rentres. Faut rentrer les affaires dans ton péteux, là. Genre, c'est non, okay. C'est pas ça. Faut vraiment okay. Les mettre dans un. On met au clair, y'a rien qui s'en va dans le péteux dans ce jeu, là. Ouais, exact. Y a une belle musique jazz, une belle soundtrack qui est assez douce. Ça fait changement des jeux qui vont vraiment vite en VR, puis que t'es étourdi, là. C'est très, très relax, je dirais, là. Le fait look est le fun, c'est un genre de cell shading un peu. C'est des gens d'œufs qui se promènent, les bonhommes, là. Ouais. Non, c'est bien. C'est un peu répétitif, je dirais, au niveau du crafting, parce que. Tu fais tout le temps la même affaire, puis les mouvements, c'est tout le temps soit rouler des cigarettes ou brasser un objet, ou si tu fais du tabac, ben tu brasses le tabac, ou tu vas te répéter beaucoup sur les mouvements. Fait ouais. Le crafting est répétitif, mais ça fait quand même bien, fait que c'est pas mais tant maintenant, un problème. Tu sais rouler des cigarettes. Je sais rouler des bonnes cigarettes maintenant. J'ai jamais réussi, moi. Avec du papier ligné. Avec des feuilles lignées, ça a tellement goûté bon, là. Ah, c'est ça. Le seul petit défaut que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas d'aide quand t'es dans la cellule pour te rappeler comment crafter des objets. Fait que si t'as oublié des trucs. Ben, t'es un peu pogné. Bad, fait, ouais. Ouais, essaie de t'en rappeler puis de le faire. C'est comme la vraie prison. C'est un peu comme la vraie prison, donc tu fais du temps. Puis la game est comme successive, fait que t'avances dans les journées, puis là, je suis rendu à genre, 60 jours en prison, niveau 2, okay. Mettons. Non, c'est très bien. Oh, sais-tu comment ça finit, cette histoire-là? Je le sais pas encore, je suis pas rendu, mais je vais vous le dire, mais que j'arrive à la fin, en fait. Là. C'est bon. Il y a pour 8 à 10 heures de jeu, de ce que j'ai lu dans les commentaires. Quand même. Moi, je suis rendu à peut-être 3-4 heures, puis j'étais presque à la fin du niveau 2 sur 4. Okay. Donc, ça fait du sens. Ça fait du sens. Donc, pour toutes ces raisons, je lui donne la note de 7.5 sur 10. Ah, oh, c'est bon, ça! C'est un très bon petit jeu. Écoutez, essayez-le pour vrai si vous êtes un fan de genre de gestion d'inventaire puis de prison. De prison yes. Spéciale. Fred, il est bon là-dedans, la gestion d'inventaire. Moi, j'aime ça, j'ai les de inventaires. Cassettes, surtout. Mais quand tu commences à comprendre comment que la gestion fonctionne pour que ça rapporte de l'argent, ben, ça devient vraiment intéressant. Là. Exact. Puis, plus t'avances, plus t'as d'objets à crafter. Fait que là, tu peux vraiment jouer avec les matériaux. Il me reste un peu de tabac, je peux le mettre dans une pipe à eau, je peux faire telle affaire. Fait que... oui. Puis les termes de prison, c'est tout le temps le fun aussi. Ah ouais, ouais, non, c'est ça. T'apprends aussi des vrais termes. T'apprends si jamais tu te ramasses au tout. Si tu vas en prison pour vrai. C'est instructif. Eh ouais, vraiment. Ah, okay. Ça a l'air cool. Ouais, regardez ça. Yes! Fait qu'on va aller faire une petite pause. Oui. Ouais. Et puis, on va se remplir de River Bend. Ah oui. Ouais, on se remplit de River Bend. On vous revient avec des critiques, notamment NAC 2 après la pause et puis l'or gris. Ouais. Pause. À tantôt. Pour ne rien manquer de Rétro Nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. Oh. Donc, on vous revient avec une critique. Ben oui. Une grosse, celle-là. Une grosse. C'est la grosse. De... Grosse chunk. C'est la grosse, mais ça se peut qu'elle soit courte aussi. Fait que, tu sais, on se donne bon, du douce. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, ce soir, je vais vous parler de Knack 2. Yeah. Est-ce que c'est la suite de Knack 1? C'est pas la suite. De... Non, c'est la suite. C'est carrément autre chose. C'est développé par SCE Japan Studio, publié par Sony Interactive Entertainment. Et évidemment, c'est une exclusivité PS4, ouais. C'est ça, c'est un jeu qui est développé par Mark Cerny. Mark Cerny, c'est l'architecte principal de la PlayStation 4. OK. Donc, c'est pas un 2 de pique. Puis c'est un gars... c'est un gars qui a fait ses classes, il a fait vraiment beaucoup de platformers. Il a travaillé sur Ratchet & Clank, il a travaillé sur Crash Bandicoot. Crash Bandicoot est probablement sa plus grande licence, tu sais. OK, OK. Puis c'est ça, puis lui, il avait dit, bon, ben pour le lancement de la PS4, on va sortir un jeu de plateforme plus familial, tout ça, pour inviter les gens à venir jouer à notre console. Finalement, les gens se sont aperçus que c'était peut-être un jeu qui manquait de profondeur à cause qu'il n'était pas nécessairement ce qu'il présentait être. Moi, j'ai joué à Knack 1, j'ai fait la critique à Monsieur Net. Je suis un des seuls critiques, en fait, qui a donné une bonne note. Les gens l'ont vraiment détesté, ce jeu-là, je trouve, sans raison, en fait, parce que c'est un jeu qui avait des problèmes dans le sens que c'était un jeu de plateforme, mais qui avait pas tant de plateforme. C'était plus basé. C'était plus du battage. Ça rappelait les Lego un peu, moi. Oui, ben c'est parce que c'était plus sur le combat, en fait, qu'on se fiait. Puis c'était un peu trop hardcore pour appeler ça un jeu familial. Moi, je trouve pas ça familial, pas en tout ce que je vois présentement. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était... On va vous le dire, là. C'était difficile. Oui, c'est ça. Ça passe pas le test papa-cassette. Ça passe pas le test papa-cassette. Mais c'est que en fait, c'était vraiment basé sur le combat. Puis tu sais, c'est du combat. C'est pas du combat épais, rentre dans le tas, frappe, puis continue. C'est faut que tu aies une technique, faut que tu esquives, faut que tu fasses différents mouvements. Donc c'est ça. Ça, c'était le premier, qui était quand même un bon jeu à mon avis. Mais là, dans le deuxième, on a engagé des gens. On a eu plus de temps pour le faire. Parce que en fait, ça reste pas mal de temps, hein? Ça fait 5 ans. Non, c'est ça, c'est un jeu qui est sorti en 2013. Fait que là, on est en 2017. Mais ils disent qu'ils ont eu plus de temps pour le développer. Quand ils l'ont sorti le premier, c'est un jeu qui a été rushé. Puis ils l'ont dit clairement, haut et fort, on a été rushé pour faire ça. On n'a pas fait le jeu qu'on voulait faire. Puis c'est ça, là-dedans, l'histoire est plus développée. Mais je pousserai pas vraiment sur l'histoire parce qu'en fait, dans ce jeu-là, l'histoire est un peu épaisse. Les hobos gobelins. C'est surprenant, dans le 1, il me semble que c'était ça qui était la force du jeu, c'était l'histoire justement en arrière de tout ça. Là. L'histoire est moyenne, on s'en sac un peu sérieux dans Knack 2. J'ai trouvé que c'était. C'est ça, c'était juste moyen. Il y a quand même des twists dans l'histoire qui sont intéressantes, mais. Celle qu'on voit à l'écran présentement n'est pas si intéressante. Non! Mais. Quelle perte de temps, sérieux! Mais c'est ça. Bref, c'est quand même. L'histoire est quand même pas incroyable, cool. Fait que je veux pas trop en parler. En fait, dans le gameplay, ce qui a beaucoup changé dans Knack 2, c'est que maintenant, c'est un jeu qui a énormément de jeux de plateforme. Là, t'as vraiment des mouvements que tu dois faire sans arrêt. Entre autres, la Knack est un personnage qui peut rapetisser ou grandir. Si tu frappes sur des boîtes, ça va te donner des artefacts. Puis ces artefacts-là vont faire que tu vas grandir jusqu'à 10 mètres. Puis c'est ça. C'est précis de même, hein? Oui. Oui, ben c'est parce que dans le haut de ton nouveau, écran... On ça fait combien de Subway 12 pouces? Combien de pieds, ouais? Dans le haut de ton écran, tu vois exactement il fait combien. Regarde, là, là. Là, t'es 7 et 10. Là. Il fait... 7 pieds 10. Oui, 7 pieds 10, en fait. C'est des pieds. C'est plus grand que ce Denochara. Fait que c'est 10 pieds. Exact. Coupe de pouces. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, tu sais, comme juste ça, on voit présentement à l'écran, il a fait une ligne entre un point puis un autre. Il y a plus de puzzle comme ça. On a plus de mouvements dans ce jeu-là. Donc, les mouvements de plateforme, comme je disais tantôt, des fois, ça va être appelé à devenir petit, devenir gros. Il y a un saut, il y a un double saut, il y a un saut avec vrille. tu vas pouvoir donner des améliorations à ton personnage sans arrêt. Il y a à peu près comme une vingtaine de mouvements que tu peux faire avec le personnage. Donc, il y a vraiment un système de combat qui est très, très, très, très deep, okay. Qui est vraiment le fun. Le gameplay dans ce jeu-là est incroyable. C'est vraiment, vraiment le fun. Le personnage se contrôle super bien. Puis c'est ça, les puzzles, c'est assez simple quand même. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est quand même assez facile pour les puzzles. Puis je pense qu'ils ne sont pas là non plus pour te bloquer le passage. Ils sont juste là pour te donner une petite distraction du platforming et du combat qui sont déjà en masse pour un jeu. Mais quand même, c'est amener des puzzles une fois de temps en temps, ça fait quand même du bien. Puis c'est ça, les boss sont écœurants. C'est les boss qui sont énormes. C'est vraiment... C'est un peu grandeur God of War là, où ton personnage est tout petit à l'écran puis le personnage est immense en arrière. T'as des poursuites puis tout ça. Moi j'ai senti des vibes des fois de Last of Us, de Uncharted puis de God of War. Puis tu sens vraiment qu'ils sont allés chercher un peu ça aussi. Parce que moi j'ai regardé depuis tantôt puis je me dis. Moi je trouve ça plate là. Est-ce que ce serait un genre de God of War pour enfants? Un peu dans un sens parce que le combat dans God of War, c'est quand même la combat base. Le puzzle, ouais. Le combat, je veux dire, c'est le cœur, mais après ouais. Ça, c'est le platforming puis le puzzle est très simple. Exact. Ça un peu ce que mais je le, vois, le platforming là-dedans, attention, c'est beaucoup plus difficile que God of War. Okay. Le platforming là-dedans est pas mal plus tough. Puis là, pas. Présentement, la séquence qu'on présente à l'écran... Elle n'est pas excitante. C'est ça, c'est peut-être pas le moment le plus excitant du jeu. Non. Mais c'est le genre de jeu aussi que je trouve qui est difficile à justifier quand on le regarde. Quand tu y joues, c'est ouais. Vraiment le fun. Mais quand on le regarde, moi, il y a des affaires de ce jeu-là que j'aime pas. Entre autres, j'aime pas que... Les humains. J'aime pas les humains. Ah, il y a de la guenille. Non, mais les environnements, j'y trouve vraiment vides. Ils sont super beaux. C'est ça que je voulais dire. Ils sont vraiment très vides. Il y a des grands espaces. Par contre, quand tu es en train de jouer, tu l'apprécies, ces environnements vides-là, parce que ça te donne de la place pour te battre. Ouais, t'sais. C'est ça. Puis tu as tout le temps besoin de te battre, puis tout ça. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un arbre dans le chemin tout le temps. C'est comme gossant. Fait que. Tu vois que chaque décision a quand même été prise avec une certaine conscience. Le gameplay en premier. Ouais. Le gameplay en premier. Puis c'est le bon, gameplay ça. Là-dedans est sensationnel. Là. Et c'est en premier. Malade. Là. C'est un super bon jeu pour ce côté-là. J'ai vu qu'on pouvait devenir un petit bonhomme puis laisser tomber sa grosse carapace pour accéder à d'autres régions. C'est ça. Ben, comme je disais tantôt, c'est ça. Tu peux rapetisser ou grossir. Puis c'est ça, ça te permet d'arriver à des endroits secrets. Il y a énormément de choses cachées. Ça rajoute une belle dimension. Ça rajoute une dimension incroyable. Il l'avait dans le premier, mais c'était pas assez exploité. Encore une fois, ce jeu-là, c'est un peu comme toutes les promesses qu'il y avait dans le premier, mais qui n'ont pas été assez exploitées. Là-dedans, les différents types d'ennemis, la façon qu'on t'apprend un nouveau mouvement est écœurante parce qu'on te force à faire ce mouvement-là dès que tu l'as appris. Fait qu'on te force comme une, deux fois, un peu à la façon Nintendo, tu sais, de façon un peu intuitive. C'est comme, garde, fais-les, là. Ouais, là, ouais, tu ouais. Viens d'arriver, t'as quelque chose de nouveau. Fais-les, tu vas t'en rappeler après, t'auras pas besoin d'aller dans le tutorial, dans toute cette cochonnerie-là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un jeu qui est très, très, très, très bien fait. Ou le bas blesse. Oh. Parce que. C'est pas parce que Nick est plus là qu'on parle mal, hein. Ouais. Mais c'est ça. Le plus gros problème de Knack, c'est Knack. Le personnage, c'est que, le personnage je pense que c'était le titre, moi, là. Est le personnage le plus plate au monde. Ouais. Tu sais, comme dans le premier, j'étais pas convaincu, mais je me disais, ah, le gameplay il est tight, il y a quelque chose de le fun, tu sais. Puis Mark Cerny disait, tu sais, comme, ah, tu sais, j'ai pris mes bases de Crash Bandicoot, puis j'ai fait un autre type de jeu, tu sais. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ok. Mais le personnage est plate, il a pas de bonne personnalité. Pardon. Puis. Dans le deuxième, ils font parler, il y a des catchlines et tout ça, ils sont tout le temps mauvaises, puis ils essayent de faire des jokes, c'est jamais drôle. Mais les humains qui sont autour de lui, là, donc les blondinés humains avec sont toutes laides. C'est pas intéressant. Ce Zach, le kid qui te suit, il est sans saveur. Tu sais, vraiment, là, comme les personnages beige dont tu te sacres éperdument, puis à un moment donné, tu finis par être un petit peu plus investi dans l'histoire parce que. À un certain moment donné, il y a une twist qui fait que là, tu t'intéresses un peu plus à ce qui se passe quand même. Ouais. Sauf que Knack reste le personnage le plus plate. Puis, Knack, visuellement, quand il est petit et qu'il est cute, il est malade. Mais quand il est gros, ça a juste l'air d'une grosse patente. C'est juste un gros tas de morceaux. Ouais, là, puis on s'en sac. C'est technologiquement impressionnant que tous ces petits morceaux-là, ils ont toute une physique. Je pense qu'à la sortie de la PlayStation 4, c'est pour montrer la puissance de processing, de voici toutes les particules qu'on peut vous mettre dans un jeu en même temps. Exact. Quand tout se ramène à lui. Puis là encore, puis ça marche, tu sais. Puis des fois, tu sais, quand t'es tout petit, puis tu te défais, puis que la caméra se rapproche, tu passes à travers tes petits morceaux que t'avais sur ton corps, puis c'est super impressionnant. Mais après ça, pour ce qui est d'un développement de personnage, c'est de la marde. Fait que je sais pas si ils vont avec un... Parce que j'espère fortement qu'ils vont faire un troisième, tu sais. Qu'ils vont y mettre un saut à limite. Ils en ont besoin, limite. Tu penses? Oui, ils en ont vraiment besoin. C'est vraiment... Ce serait pas mieux d'abandonner ça. Mais... Non, c'est à ce point bon. Puis jusqu'à maintenant, le jeu a quand même un certain succès. Ça marche. Puis le jeu est un jeu... pas très bon public. Moi, j'avais bien aimé le premier. Est-ce que le multiplayer est bon dans celui-là? Le multiplayer est super bon, c'est vrai, je n'ai pas parlé, mais le multiplayer là-dedans, c'est en fait, c'est que le deuxième joueur peut rembarquer à n'importe quel moment. Puis ce qui est vraiment le fun du multiplayer, c'est que tu peux faire des moves en combo ensemble. Okay. Fait que si, admettons, je suis en avant de tout puis que tu me frappes dans le corps, ça va comme mitrailler le monde parce qu'ils vont recevoir tous mes fragments. Foncer dans moi, puis après ça, on va devenir comme une espèce de grosse boule qui va se rendre plus loin. C'est comme The Warriors au PS2 Xbox, là, parce que tu peux faire des moves à deux. Exact. The Warriors, sinon Ninja Turtle, le film TMNT, le jeu qui avait sorti sur la Wii, PS3, 360. C'est le même affaire. C'est la même affaire. Quand tu joues à deux, c'est encore plus fun. C'est vraiment un bon jeu. Bref, le problème de NAC est NAC. Puis j'espère qu'ils vont changer ça. Puis moi, j'ai une suggestion parce que Mark Cerny nous écoute. Ouais. C'est. Dizzy. Ouais, je vais te dire. Fait comme dans Big Hero 6. Dans Big Hero 6, le personnage qui est blanc, dont je me souviens plus de son nom. Big Hero 6 non. Non, je me souviens plus c'est quoi son nom. J'ai jamais vu ce film-là, moi. Hey, c'est malade ce film-là. Ah, ouais. C'est les vraiment bon. Les enfants veulent pas le voir, ça me déprime. Pour vrai? Je veux full le c'est voir. C'est comme un Marvel. Baymax. Quelqu'un dans le chat a dit Baymax. Baymax, c'est ça. Merci beaucoup. Merci le chat. Fait que c'est ça. Fait que Baymax est blanc dans sa forme initiale, mais après ça, quand il y a un saut de mec, il peut mettre un saut par-dessus lui qui change totalement son look, puis Nak aurait besoin de ça. Mettre en un fait. Suit. Il aurait besoin d'un tailleur ou cacher ce gars-là. Exact, cachez-le parce que ça marche pas pantoute. Mais c'est ça, malgré ça, c'est vraiment un jeu qui est malade. C'est un jeu qui est pour les gens à la bourse serrée. Oui, 39,99. C'est vraiment un crisse de bon deal parce que c'est un jeu qui a plus de 16 heures de gameplay. Puis ça, c'est sans avoir découvert tout ce qu'il y a dans le jeu parce qu'il y a énormément de choses qui sont cachées. C'est bon, je les ai pas toutes trouvées. Puis ma première run, je l'ai faite entre 16 et 17. Je sais pas exactement combien, mais entre 16 et 17 heures. Puis elle était anormale. Fait que quand même, c'est très bon. Puis il y a un mode à deux, il y a des défis, il y a plusieurs choses. Quand on a fini le jeu, il y a un New Game Plus. Donc, pour toutes ces raisons, je lui donne un 8,5 sur 10. Yes. C'est malade. Généreux. Ouais, non, mais c'est sérieusement... 2$, ça vaut 8,5. Non, mais pour vrai, c'est... Non, pour vrai, je sais que tu penses que c'est plate, mais... Quand Moi, je vais l'essayer. Moi, sérieusement, moi, c'est sûr je le joue. J'ai commencé... Vous irez louer ça au vidéoclip. Ben oui. Non, mais j'ai commencé le jeu, j'ai dit à GF, j'ai dit, peut-être pas, finalement. Puis, je vous dirais... Au grand dame de GF. Ouais. Non, mais le 1, c'est un jeu que j'avais joué avec ma blonde, moi, puis c'est peut-être pour ça que je l'ai apprécié, parce qu'il est assez facile pour que je puisse jouer avec elle, mais assez dur pour que moi, je me fasse pas chier, tu sais. Ouais. Mais dans ce jeu-là, là, après la... je te dirais, là, à partir du premier tiers du jeu, après ça, quand tu passes ce premier tiers-là, ça devient un jeu qui était pas pire à super bon. Ah ouais? Parce que tu débordes des power-ups. Là, pareil comme Metroid, Calic. Game pof. Fait que c'est ça, bref. On va arrêter là-dessus, puis on s'en va à l'or gris. Oui. Oh, l'or gris, on change de thème ici. Mais cette semaine, l'or sera pas gris. Chez Fred, il a élaboré une charte. Des cassettes. L'or gris. Le gris, c'est le NES. Il y a du super gris. Ça, c'est le super dans NES. Le beau gris, c'est le super NES. Ouais. Il y a le petit gris. Le petit gris, c'est Game Boy. Ouais. Le charbon, ça, c'est le Genesis. Ça, c'est Genesis, ouais. Le Xbox première génération, c'est le Mountain Dew. Ça, c'est drôle. Je travaille encore à cette charte. Ouais, c'est compliqué. Allez, je vais faire un spécial rétro nouveau, ce que je vais l'expliquer. Oui, c'est on va l'afficher au show. Les gens, ils vont pouvoir avoir finalement un fascicule. Faudrait que t'aies un tableau de craie avec une chienne. Un bâton. Je suis docteur. Ouais. Faites-moi confiance. Mais là, ça va être l'or gris consacré à l'Atari 2600, au ColecoVision. Eh boy. Et toi, puis là. Au léger Vision. Qu'est-ce que tu as capoté, toi? All over the place. Fait que ce qui s'est passé, en fait, les amis, c'est que il y a 3 ans environ, quand Arcade Montréal n'existait pas encore, mais qu'on essayait fort, dans notre petit local sur Frontenac à Montréal, dans notre 1,5, on a eu un article dans le journal Métro. Et puis, un petit article là, sur la vente de jeux, les soirées gaming, pourquoi est-ce que le monde aime ça, pourquoi est-ce que le monde vienne, c'était quoi nos, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce projet-là. Et puis, il y a un monsieur qui a vu cet article-là dans le Métro. Oui. C'est tout. 2 ans plus tard, ce même monsieur, 2 ans plus tard, il m'écrit pour me dire « Hey, j'ai une grosse collection là, de vieilles affaires, là, plus vieux que le Nintendo, tu sais, Atari, tout ça, Coleco, Intellivision. Moi, je voudrais te donner ça, là, tu sais. » Fait que, ah ben, certainement, ça m'intéresse, tu sais. Fait que, OK, je vais te revenir. Là, finalement, pas de nouvelles, puis j'avais complètement oublié ça, tu sais. Je suis pas du genre à le poker, là. Ouais, puis j'imagine que tu disais, bah, il c'est ça, c'est n'importe t'sais... quoi, tu sais, je vais pas te gosser avec ça. Ouais. 1 an plus tard, soit il y a 2 semaines, il me réécrit pour me dire, hey, je sais pas si tu te souviens, je t'avais écrit l'année passée. Là, je regarde dans Messenger, Facebook, je recule. Là, je suis comme... Ben oui, ce gars-là, il m'avait écrit il y a 1 an. C'est pas faux. Il voulait me donner une collection. Fait que il dit, OK, ben je vais passer demain matin. Ah oui. Fait que là, all right. Oh, Lynn. Fait que là, il débarque le lendemain matin. I want to play a game. À 11h du matin, avec son truck, ses 4 adolescents, puis ils ont déchargé 20 boîtes de cassettes 20 boîtes? Dans mon hall d'entrée. Là, Jeff, tu pourrais partir les photos. Ouais, excuse, hey, je vois Noël que t'allais voir dans c'est correct, c'est correct, River Bend. Je suis prêt à tout. Mais là, il faut que tu mettes les photos. Voilà. La peine sur pause. Donc là, voici à peu près les 20 boîtes là, étalées dans mon entrée. Et puis, on voit, il y avait aussi au travers un NES et un Sega Master System. Tu peux montrer l'autre image. Il y avait malheureusement un Sega puis 20 boîtes de papier. C'est tout dans des boîtes de papier Tom-Tor. Fait que c'est ça. Donc, ça représente ça en quantité. Fait que c'était un peu déprimant là, pour ma blonde. Au début, j'étais excité, puis moi-même, là, comme. Je commence à être tanné, mais j'en vois pas le bout. C'est un cadeau, mais presque empoisonné. Wow. Puis, fait que prochaine photo, dans le fond, je vais juste montrer l'Atari 2600. Je vais montrer famille par famille. Ouais, vas-y, c'est le même que je l'ai fait. Fait que Atari 2600, wow. Voici tout ce qu'il y a. En avant des consoles, dans le bas, ça, c'est ce que je garde pour l'Atari 2600. Je te dirais qu'au travers de tout ça, il y a plein de beaux items qui ont une certaine valeur. Mais le jeu qui a la plus grosse valeur, on le voit ici en bas au centre, ça s'appelle Espial. C'est la genre de cassette blanche en dessous de la boîte avec un gros œil. Quand tu dis la valeur, là, on parle de combien? Ben, c'est variable. Là. Le seul qui est à vendre présentement, il est 500. J'en ai vu à vendre 200. Wow, quand même. Il y a des vendus, il n'y en a presque pas. Donc, c'est ça. Mais mettons sur Atari Age, il est 9 ou 10 sur 10 là, de rare. C'est un rare. T'sais. Fait que ça, c'est un rare. Fait que vite fait, ça ressemble à ça. Beaucoup de, doublons, là, ça c'est bien certain. Fait que mon but avec ça, c'est de j'ai fait tous des label upgrades. J'ai passé tous mes jeux un par un. J'ai sorti toutes mes boîtes pour comparer si la cassette dans la boîte que j'avais était plus belle que celle. Job de moine. Ah, ça a été long, là. Là, je suis déprimé, là, ça me tente plus, là, t'sais. Fait que quand je vais avoir un peu plus de temps, puis je vais être en mesure de me faire écrire sur Facebook et puis de répondre aux gens. Je vais mettre ça en vente, là. Mais il y a beaucoup de consoles. Faut que je les teste, mais il n'y a pas les câbles ARF, tu sais. Donc, c'est compliqué, là. Donc, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche, puis ça prend de la place. Fait que je suis un peu pogné avec ça. Mais voilà, c'est un beau problème. Prochaine batch, c'est le ColecoVision. Ouais, là, c'est beau parce que ça vient avec le kit de volant, des modules ça, pour jouer au 2600. Il y avait un volant, c'est Coleco. Ah ouais. Coleco, il y en avait des cossins. Il y a un trackball, là, ici. Et puis, ouais, il y a des genres de manettes gants. De box qui marche avec certains jeux. Et puis 3 pitfalls sealed. Sealed! C'est tellement bizarre. Puis chaque cassette, chaque item là-dedans a un petit collant, une petite pastille orange avec un petit numéro dessus. J'ai aucune fuck-all idée de ce que ça veut dire. Mais il y avait ça dessus. Et puis ça décolle et puis ça se ramasse partout sur le plancher chez nous puis en dessous de mes bas. Fait que pas mal chier. Donc au Coleco, c'est un peu magané, mais des beaux jeux en boîte, c'est ça qui a de la valeur. Hey, Quest for BC, là, ça vaut quelque chose. Ça, ouais, ça vaut quelque chose. Mais ils sont maganés, ces jeux-là de Sierra Online que j'ai. Hey, les boîtes sont clean, là. C'est pas toutes, mais il y en a une couple qui ont l'air vraiment belles. Il y en a des belles. Ça fait chier pour Pitfall parce que c'est un jeu, il est le fun. Puis là, tu me dis qu'il est sealed, fait que là... Ouais, ben le sealed, là, il est brisé. Fait qu'on pourrait l'ouvrir, je pense. Là, ça a l'air dérangerait pas vraiment, celui-là. Fait que là, on va arriver à quelque chose de spécial après le Coleco. Ça, c'est rare. C'est vraiment beau, en tout cas. Ah, c'est du beau shit. Là, la prochaine image, c'est le Laser Vision. Ça, là. Ça, c'est dans le fond, c'est le clone du Arcadia. Ouais, je pense qu'il y a un chiffre. Arcadia, quelque chose, qui est une console européenne. Et puis, ça, c'est sorti ici sous ce nom-là, mais c'est la même crise d'affaires. Et puis, ça, là, je suis pas capable de mettre un prix là-dessus. Ah, c'est rare en tabarnak. C'est super rare. Puis, genre, sur eBay, il y a juste 2-3 jeux à vendre à 100 quelques piastres chacun. Ah, ouais. Puis, dans les vendus, il n'y en a pas. Puis, dans les forums, j'ai juste trouvé des affaires de 2010 tout ça. Fait que j'arrive pas là à connaître la valeur. Mais ça, là, c'est du stock de musée, là, tu sais. Puis Nicolas Robillard, que j'ai contacté du podcast Le Chac à cassette. Ouais. La cartouche. C'est lui qui m'a dit ben, que là-dedans, j'avais 2-3 jeux là, quand même très rares, là, puis difficile à avoir. Donc, il va falloir que je me renseigne. Super Gobbler. J'ai pas l'intention. Il y a un Millennium Falcon dans celui-là en bas à droite. Ah ouais, ça ne gagne pas, eux autres font n'importe quoi. C'est hot, ça. Avec les licences. Ça, j'ai pas l'intention de le garder, mais. Enfin, j'ai pas la place, mais tu sais, c'est stock de musée. Là, honnêtement, c'est devrais. Les pochettes, on dirait que c'est genre nos enfants qui ont fait ça. Ah ouais, c'est horrible. Là. Mais je devrais peut-être le garder, celui-là. Moi, je pense que tu devrais. Mais parce ça, dans le c'est quelque chose. Garde-le pour la science. Ouais, hein. Ben, tu ris, là, mais quand ça s'est rentré... Mais pour vrai, c'est... Je me suis dit, Chris, est-ce que je commence à penser à faire un genre de musée ou à communiquer avec l'Université de Québec pour le laboratoire, tu sais? Fait que... Mais cool, ouais. Tu sais que, justement, le plus grand collectionneur de Star Wars au monde, il, à un moment donné, il s'est ouvert un musée parce que, justement, il savait plus quoi faire avec ce stock-là. C'est ça. Fait qu'il a commencé à charger le monde. Je vois pas comment. Ça. Je vois pas comment. Ben, ça, tu devrais le garder serait, au moins. Ça serait payable, ça se repayerait. Ouais, t'sais. J'avoue. C'est ça le problème. En tout cas, on verra. Une idée à la fois, là. Arcade Montréal est encore jeune. J'ai pas le temps d'ouvrir ouais, un musée. Fait que, prochaine image, GF, on va. Bon, ça, c'était le pas prévu. Sega Base System. Ouais, c'est pas ouais. Sega Master System qui est écrit sur la boîte, donc je pense que c'est une early version. C'est la, okay. première, version. C'est la première version. La version avec le fil base. Sur le côté de la manette, comme une manette de famille, ah ben ouais. Mais non sur le dessus. Très déplaisant. Mais un beau kit qui vient avec ça. Ça dit pourtant que maintenant, il n'y a plus de limite, puis il y en a une, en fait. Il y a une limite, ouais, c'est ta patience. C'est kit de base aussi. Et puis, trois beaux jeux NES là, que j'ai vendus à Fred Dunn, en fait. Ben oui, va les avoir acheté les trois finalement. En passant, le jeu de football, ça a l'air de rien comme ça, mais il était propre. Là. Il n'a jamais été ouvert. Il y a tous les sachets en dedans. Tout, c'était magnifique. C'est mon âge. Fait que prochaine image, prochain set, et c'est le dernier, oui. Le Odyssey 2. Tabarnak. Fait que là, j'ai deux grosses tabarnak de Magnavox Odyssey 2 que j'ai pas testé encore. Au moins, toutes les fils sont strappées après, donc je vais pouvoir les tester pour vrai, je crois. C'est-tu que ce logo-là, mettre les cartes sur la table, mon gars? C'est le logo le plus dominant pour une machine mais sur ça. N'importe quelle cassette. C'est tellement hot. Puis checker malade. En haut à droite, c'est The Quest for the Rings. Eh oui. Ça, c'est une boîte là avec des jetons en plastique, des cartes. Shit. Même, ah ouais. Il y a 1000 patentes là-dedans. Là. Puis l'Odyssée, ça vaut là-dessus. Rien, tu sais. C'est ça qui est malheureux. Ça vaut rien, mais il est complet c'est à ce fuck. C'est magnifique, man. C'est mine. C'est presque complet. Ben, j'imagine. J'avoue que j'ai pas fait de recherche. Par contre, ce que Nicolas Robillard du podcast de Chaque à cassette m'a dit, la cabane à cartouche. C'est que quand les boîtes sont en plastique, c'est pâle. Donc, quand les boîtes sont en carton, là, c'est américain. Pâle, ça veut dire européen. Donc, c'est ça. Là-dedans, j'aurais la moitié pâle. Il y en avait beaucoup dans l'Atari aussi, des jeux internationaux avec le sticker traduit. Coleco aussi. Donc, c'est un mélange. Ça marche pareil ici. Là. C'est juste, c'est pas juste anglophone. On peut voir ici le... Ah ben, on a-tu d'autres photos de ça, GF? Oui, c'est vrai. Pour ça, la mesure qu'ils nous écoutent en audio, il faut, ouais, là, faut voir ça en image. On voit ici en bas, là, comment il s'appelle ce jeu-là? Donc, Gobbler. Ouais. C'est le clone de Pac-Man, dans le fond, qui a été créé pour, hey, c'est quoi, pour l'Odyssée. T'as eu un Odyssey 2? Toi? Non, mais j'avais ce jeu-là chez nous, puis c'était gros pas singe, sur un Odyssey. Je vois mal. Ça parce se peut, que je me souviens de la pochette. Il y a des jeux qui sont sortis sur l'Odyssey aussi, qui sont sortis sur d'autres consoles qui se sont vendus pas mal plus. Hey, mais les pochettes sont hallucinantes. Ben, j'ai voulu avoir un t-shirt de toutes les boîtes. c'est malade, ouais. Man! Mais j'ai le goût de trier tout ça. Puis de... Ah, c'est-tu, man. Ah, sérieux, tu t'es installé ce kit-là. C'est beau. The Quest for the Rings. Tu devrais emmagasiner ça à l'arcade. Ouais, oui, tu devrais mettre ça en haut dans une place. T'as raison. Je vais tout aller laisser ça dormir. Tu sais, l'Atari puis du Coleco, je vais le laisser aller. Ouais. J'ai fait tu perds pas d'argent avec ça, certain. Là. Mais j'avoue que le kit Odyssey puis le kit les jeux Vision... Moi, je garderai en Christie là-dedans. On en reparlera dans le char. Ouais. Si tu fais les bouchées, on en jaserait. Tu pourras en stocker chez nous un peu. Ouais. On verra. C'est vraiment beau. Fait que j'ai hérité de tout ce beau trésor et puis ça l'a coupé le soufflet à fret. Ben ouais, moi cette semaine, finalement, j'étais tout content parce qu'on avait fait les ventes de garage. Puis là, j'étais comme, bon, on va te laisser la table. C'est ça. Mais oui. on va quand même prendre le temps de remercier aussi les gens qui sont venus nous voir. Ben oui. Surtout vous autres parce que vous avez fait jeudi, vendredi et samedi. Moi, juste samedi, la vente. Sous la tente devant Arcane Montréal pour le festival Oomph en fin de semaine. Et puis il y a des gens qui ont parlé de Rétro Nouveau. Ben oui, il y en a qui ont reconnu Tidjo. Il y en a qui ont reconnu Tidjo. Ah oui, ils ont fait partie des immeubles à alors, c'est vraiment. Tidjo en vrai, c'est juste ça, ça valait le Ben oui, Tidjo aura sa place dans le prochain décor. C'est clair. J'ai une grosse murale de. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on ait un cut-out de Tidjo. Ah, j'ai un carton, on tout le temps là. Ben, il faudrait des cut-out d'une couple de personnes. Ah oui, vraiment. Comme Mario, Nick, on pourrait regarder ça. On a le budget pour maintenant. Un faux public. Ferdinand Social. Un faux public d'installer derrière qui nous écoute. Ah oui. Vos scènes bien investies dans des publics en cas. Les Patreons vont nous gâter. Colin, ça serait magique ça. Alors voilà, s'il y en a qui veulent des grosses batches de jeux Atari, écrivez-moi personnellement ou sur Papa Cassette ou sur Rétro Nouveau. Je fais des prix là, de feu pour que ça parte. Il y a des jeux quand même là-dedans qui ont une certaine valeur. T'sais, je ne laisse pas tout aller à une pièce, là, on s'entend. Mais en même temps, je me sens un peu rat. J'ai eu ça gratuit. Ouais. Mais... ouais, puis là, tu viens de le dire à tout le monde. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est pas grave. T'sais, si tu te fais donner une Ferrari demain, puis tu en avais déjà 5-6, puis c'est un modèle que tu n'as pas vraiment de besoin, vas-tu la donner aux gens? Il y a ça. Ou tu pourrais utiliser l'argent pour ta maladie de Ferrari? T'sais. Aucunement les problèmes de riches en ce moment. L'argent pour ta maladie de Ferrari. Ben, j'ai une maladie de cassette, puis là, on meurt, tu sais. On se rappellera toujours du cadre à Nick. C'est ça, moi, j'en vends tout. Je vends Chris. Donne-moi des affaires, je le vends. Pour mon profit. Le fameux cadre. Le cadre de Street Fighter. C'est une des meilleures anecdotes à vie. Aïe, aïe. Ben, je l'ai vendu. C'était malade. Un excellent moment de live. Wow, c'était magique. Bon, c'est à moi. Ça. Ouais, GF, on tu vas nous parler de hockey. On va parler de hockey et je vais vous parler du jeu Super Blood Hockey. Oui, monsieur. Développé et publié par Lauren Lemke. Fait qu'un gars tout seul qui a fait ça. Oh, quand et même. C'est disponible sur PC via Steam et depuis peu sur Linux. Oui, on vous parle ici des vraies affaires, les jeux les disponibles jeux sur Linux. Linux. En fait, lui, c'est le code. Non, c'est lui qui le codait en fait, mais sur Steam, il demandait aux gens. Qu'est-ce que vous voulez comme prochain update sur le jeu? Puis il y a du monde qui a demandé, on veut un port Linux. Fait qu'il a codé un port Linux, lui-là. Wow. Là. Fait qu'allez le voir. Silent Minority Wins. À l'écoute. C'est ça, exactement. Fait que je vais vous mettre du gameplay de ça, dans le fond. Écoutez, c'est pas compliqué. C'est un remake HD de Ice Hockey. C'est carrément ça. Ah oui. Donc, on va jouer... est vraiment plus proche d'action, par exemple. Ben, là, c'est sûr que ça soit filmé. Là, il est zoomé un peu, le gameplay. Okay. On va le voir après ça, le vrai gameplay que moi, j'ai joué. Mais c'est le même principe que c'est pareil, Ice Hockey. Donc, des équipes de 4, tu as le choix entre 3 types de joueurs. Un sniper, un playmaker et puis un enforcer. Ils vont tous à la même vitesse. L'enforcer frappe plus fort, le playmaker, le sniper est plus précis. Sinon, c'est pas mal ça. Écoutez, là... Ça, c'était intéressant, par exemple, parce que t'es pas précis, le petit Onnes... Mais il est comme un il est comme lousse un peu quand il tu joues. Ça sert à rien. Il y a quoi, juste le petit. Ah mais ouais mais le petit il sent quelque chose de, là il est sniper lui il va vraiment viser mieux que les autres. Ouais, c'est ça là. Fait que c'est ça il y a je pense qu'il y a 8 équipes en fait dans le jeu un peu comme je pense que c'est exactement les mêmes équipes que Ice Hockey, effectivement les mêmes couleurs même parce que le Canada est en vert, tu sais. Ouais. Ce qui était un peu bizarre mais je pense il était en vert dans Ice Hockey. Ça vient de l'héritage de Ice Hockey. C'est totalement. Il y a des petites touches aussi de Blade of Steel comme pendant que c'est la pause ben le on peut jouer à Gradius. Ouais, non, mais la Zamboni passe, puis la Zamboni, si elle passe, quand tes joueurs sont pas rentrés, la Zamboni ramasse tes joueurs en même temps. On a joué tantôt, moi puis Bruno, dans le pre-show, et puis c'était bien le fun. Là, ce que vous voyez, c'est mon gameplay à moi, en fait, que j'avais fait. Donc, j'ai dit, OK, c'est un jeu d'arcade, il n'y a pas de règles dans le fond. Le but, c'est de plaquer tout ce qui bouge, y compris l'arbitre, ça n'a aucun impact. Faites attention par contre parce que c'est un peu un friendly fire, vous pouvez plaquer vos propres joueurs, fait que vous pouvez mettre vos joueurs à terre, vous pouvez battre vos joueurs à terre si vous voulez. Ouais. Mais il n'y a pas de dash. Ça, c'est important de le dire. Il n'y a pas de dash. Hein? Tu peux pas pitonner sur un bouton pour accélérer. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de turbo. C'est la seule affaire. Ça arrive pas. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça la clé d'être bon à ice hockey au NES. Ben, je sais pas si là-dedans la clé, c'est ça. La c'est clé, ton la... jeu sans la rondelle. Ouais, ben c'est ça, super exactement. Important. Mais là-dedans, la clé, c'est vraiment le plaquage. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que contrairement à d'autres jeux de hockey, c'est pick and play. Là. Ça a été super facile à comprendre tout de suite. Puis tu vois vraiment une grande différence entre tous les joueurs. Comme justement, j'ai jamais réussi à rentrer de goal avec mon goon. C'est très dur, c'est beaucoup plus difficile. Jamais. Allez, mais les goalers sont tout le temps invincibles, ça, c'est bien connu. Ouais, c'est ça, non, mais. Mais c'est ça, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment bien balancé. Ah, c'est un jeu qui est tu tombes à terre. Ouais, mais là-dedans aussi, c'est le même. Ah, c'est bien fait, ça. Mais c'est ça, avec le goon, t'arrives pas à tirer. Tu pognes ton sniper, tu tires, t'es pas sûr de réussir, mais il réussit. Pas tout le temps, mais des fois, il pogne des coins où tu verras pas. Bon, là, ça, c'est les batailles. En fait, les batailles, la manière que ça fonctionne, c'est que tout le monde se bat en même temps. Ouais. Puis c'est celui que tous ses joueurs sont morts à terre qui perd la bataille. Donc là, il y en a un qui est mort. T'as un gars qui va rester en convulsion, en vomir du sang, en sprite pendant comme 2 minutes du jeu. Il reste là, puis il est couché à terre. Fait que t'as un joueur de moins. c'est tellement comme. C'est violent, mais cartoony. 12 contre 12. T'as un mode 12 contre 12 dans les challenges. Ça, c'est la fois que je voulais parler maintenant. Les modes de jeu là-dedans, c'est Exhibition, Tournoi et puis Challenge. Challenge, ce que ça fait, c'est que quand tu vas finir les modes qu'ils vont te donner en Challenge, tu vas débarrer des affaires spéciales pour modifier le jeu. Là, en ce moment, on voit un mode Challenge 12 contre 12. Fait que ça fait beaucoup de sang, beaucoup de bordel sur la glace. T'as un mode 4 contre 8. T'as un mode super intéressant qui est un mode... Lightweight, là, qu'il appelle, qui est fast forward. Fait que tu peux modifier le poids des joueurs. Fait que tu mets le poids des joueurs à 50%, la game devient beaucoup plus rapide. Okay. Donc tu peux contrôler le poids des joueurs, la friction de la puck. Leur salaire. Ce serait le fun, mais non, malheureusement. Bon, comme je disais, le développement est en continu en ce moment encore. Allez sur Steam puis parler au gars. Le gars, il veut avoir des suggestions de trucs à développer, comme le port Linux qui vient d'être fait. La musique, c'est de la musique chiptunes, faite par un seul gars qui s'appelle Sean Daly. L'affaire, c'est que la musique est un peu répétitive. Je pense qu'il y a 2 tracks dans le jeu. Ouais. Si tu joues beaucoup de games en ligne, tu vas les entendre souvent, la musique. Mais elle vient pas fatigante, elle est quand même bonne. C'est du bon chiptune qui est bien fait. Et puis, je souhaite que si ça se vend bien et qu'ils continuent à développer le jeu, ben, qu'ils rajoutent de la musique probablement par-dessus. Ben, c'est ça. Par-dessus. Peut-être que le gars, il paye track par track. Ben, tu sais, le gars, il fait tout seul quand même. Ouais, non. Respect, là. T'sais. Non, je trouve que pour un gars, sérieusement, c'est assez solide comme mais jeu. C'est beau là. Aussi, là. Ça a l'air parfait. Oui. Là. Donc, on a joué ça tantôt, moi puis Bruno, sur le Steam Link dans le salon avec 2 manettes d'Xbox. Tu peux jouer à 4 en même temps. Tu peux jouer avec le clavier, je le conseille pas. C'est beaucoup plus difficile. Ouais. Mais à 4 joueurs, là, un 2 contre 2 ou un 4 dans la même équipe, ça doit être parfait. Les petites cinématiques comme ça, quand tu perds, quand tu gagnes les tournois qui sont vraiment fantastiques. Là, t'es en Russie et t'as perdu. Ben, ah, là, tu te fais gagner ou t'es en Corée du Nord. Là, tu te fais bombarder, c'est ça. Astie, man, c'était donc bien malade, ça. Fait que c'est il était sérieusement question de faire un tournoi de ça chez Arcade Montréal. Mais je vous le conseille parce que c'est pick and play. Puis sérieusement, en ce moment, pour moi, c'est le jeu de hockey sur Steam que vous devez avoir. Si vous êtes un fan de près de loin de ce genre de jeu de hockey-là, allez le chercher. C'est en bas de 10$. Je pense que le jeu est 8,50$. Fait que boudez pas votre plaisir. C'est un bon petit paquet ficelé. Ouais. Un bon petit paquet de puck bien ficelé. Ah. Et écoutez, pour toutes ces raisons, je lui donne un gros 8.5 sur 10. Et voilà. J'ai hésité, j'aurais même pu lui donner 9, honnêtement. Là, faut vraiment être fan de ice hockey, mais c'est exécuté à la perfection. C'est vraiment là, chapeau, c'est cool, le ça. Gars. Là, très bon job qu'il a fait là-dessus. Là. Un petit travail d'amour. J'aime ça au bout. Puis ben, si ça vous intéresse, allez voir notre Twitch puis notre YouTube. J'avais fait un let's play de ça. J'ai fait un tournoi avec le Canada, puis j'ai dominé totalement. Là. Nice. On a fait un tournoi de lancement de Old Time Hockey chez Arcade Montréal. C'est différent Old Time Hockey. Old Time Hockey, c'est aussi bon, je te dirais, mais c'est parce que c'est pas pick and play. Faut que tu sois bon avec les contrôles avancés pour que le jeu devienne vraiment super intéressant. Exact. Ça, passe, tire, plaqué, c'est fini. Exact. Tu sais comment jouer. Ça peut être bon. Puis vu que le gars, il est tout seul à développer ça, puis déjà Old Time Hockey, qui coûte cher. Il nous avait fait un vidéo corpo qu'ils nous ont envoyé, qu'on a mis live avant que la soirée, avant que le tournoi commence. Ils nous parlaient, ils ont checké le live, ils ont répondu à tous nos tweets. Oh, ouais. Fait que je me dis, ce gars-là tout seul qui fait du Linux aux gens qui le demandent, je vais lui demander. Fais-moi un petit quelque chose, puis on va essayer d'exploser ça dans le bar. Il y a beaucoup de développeurs et de compagnies qui sont super ouverts et qui partagent. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de Prison Boss. Trébuchet, ils ont partagé mon live quand j'étais sur Twitch puis que je testais le jeu. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis moi, j'apprécie. Puis j'imagine que les compagnies apprécient ça aussi, qu'on fasse des démos live, qu'on expose un peu leur jeu au public. Là, oui. Ben oui, certain. Fait qu'achetez ça, Super Blood Hockey. Nice. Et allez voir le pre-show si vous êtes à Patreon. Ben oui, si vous n'avez pas accès, donnez-nous de l'argent et accédez à ce magnifique gameplay de feu. Ben d'ailleurs, c'est le temps de le dire, Patreon. Hein? Oui. On a beaucoup de Patreon à 1$, 2$. Puis c'est tout ce qu'il faut en fait pour débarrer. Le minimum, c'est la plateforme qui demande, c'est 1$. C'est ça. Fait que c'est tout ce qu'il faut. Puis vous débarrez absolument toutes les pre-shows qu'on a fait jusqu'à date, tout le backlog. Fait qu'il y a bien du stock. On répond à vos questions pendant le pre-show aussi. Exact. Ouais. On a du fun, on joue à des affaires, c'est drôle. Même 1$, il y en a plusieurs à 1$, ben ça fait des 10$. Et puis, exact, avec c'est ça qui paye les serveurs puis les fils. Les vis puis les clous qui vont servir à bosser la table de podcast. Exactement, yes. Exactement, c'est toute la bonne aide pour nous. La table. La fameuse table. Fred. Yes, c'est à mon tour. On va parler de Wonder Boy The Dragon's Trap, un jeu développé par Lizard Cube et publié par Dotemu. C'est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC. Switch, nice. Ouais, c'est la Switch. Ben oui, il faut un petit peu d'amour à la Switch. Ben, totalement. Et c'est disponible en copie physique sur... En fait, c'était sur Limited Run, donc c'est dur à obtenir maintenant. C'est dur, hein? ça va vite. Par contre, petit conseil sur PlayAsia, il y a Arc System qui distribue une version internationale qui n'est pas zonée. Donc, si vous voulez vraiment avoir une copie physique du jeu, c'est disponible. Mais sinon, ça vaut la peine quand même de télécharger. Donc, The Dragon's Trap, en fait, c'est un remake d'un jeu de SMS qui avait le même nom. Sega Master System. Sega Master System, ben oui, effectivement, je suis allé un peu trop dans le... Ouais. On le voit à l'écran, justement, là. Donc, non, mais ça, c'est le jeu nouveau. Exactement. Mais, c'est le nouveau, mais on peut transitionner entre les deux modes, toujours. Exactement. Donc, c'était aussi... Fait qu'il y a pas grand-chose de bon, Sega Master System, on s'entend. The Master System, il faut chercher, mais The Dragon's Trap, c'était vraiment parmi... Ouais. C'est ça, le jeu que c'était pas le mal, Super Mario Bros. 3 du Sega Master System. C'est ça, la série Wonder Boy, développée par Westone, était quand même bien aimée, puis celui-là est souvent sorti comme étant le meilleur jeu de la série. C'est le troisième de la série des Wonder Boy, d'ailleurs. Puis, en fait, le jeu commence vraiment à la fin du jeu précédent. On se bat contre un espèce de robot dragon qui, quand on le tue, nous jette un mauvais sort qui nous transforme nous-mêmes en espèce de dragon lézard. Puis, en fait, on passe le jeu comme ça à essayer de finalement retrouver notre forme humaine. Puis à chaque fois qu'on affronte les autres dragons, donc tous les boss, c'est des dragons. Il y a un zombie dragon, il y a un vampire dragon et tout. Ben, on se fait jeter un autre sort, puis on redevient un autre... on prend une autre forme. Donc, on a à peu près 6 formes dans le jeu. Donc, le lézard, la souris qui nous permet de coller sur les murs. On a l'espèce de merman qui est comme l'homme poisson qui nous permet de nager. Merman. Le lion qu'on voit à l'écran qui, lui, est capable d'attaquer par en haut, par en bas. Donc, tous les autres ennemis, les autres personnages sont capables d'attaquer vers l'avant. On a aussi un oiseau. L'homme oiseau qui, lui, permet de voler, évidemment. Et ta forme humaine. Donc, petite note d'ailleurs ici qui est vraiment le fun. On donne la possibilité de jouer aussi une fille dans le jeu et d'être Wonder Girl. Puis si tu changes pour Wonder Girl, ben là, ça commence le jeu avec Wonder Girl, le titre aussi. Okay, alors, on sait que Wonder Woman n'était sûrement pas disponible d'ailleurs pour ça. Non, exact. Mais bref, on explore le jeu, on débloque comme ça des armes pour améliorer notre équipement et tout. C'est quand même assez simple, mais il y en a quand même beaucoup à trouver. Puis c'est vraiment important de les améliorer parce que les stats boostent vraiment beaucoup. C'est un jeu de grinding, beaucoup, hein? C'était très grinding sur Master System, mais ça a été quand même un peu assoupli, je dirais, le remake. Dépendant aussi de la combinaison que tu fais avec ton pouvoir et ton armement aussi. Ça. Ça va changer quelque chose. Donc c'est vraiment important de porter attention à son équipement et d'essayer de l'améliorer le plus possible. Donc, on va se le dire tout de suite, cette version-là, là, c'est vraiment l'ultime hommage, là, je dirais, à la série. Donc, on a vraiment refait là, un remake hyper fidèle à l'original. Donc, les gars sont partis vraiment du code source du jeu sur Sega Master System. Là, ils sont obligés de faire du reverse engineering. Hey, c'est-tu malade, ça? Pour te rendre ça moderne et tout. Donc, on voulait vraiment être certain de tout garder pareil. On peut même, comme on le voit, là, on l'a vu une couple de fois à l'écran pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Donc, on peut retourner sur les graphismes originaux. On peut même retourner aussi sur la trame sonore originale. Donc, les deux sont séparés. On peut faire le switch peu importe comme on veut. Puis c'est vraiment plaisant de jouer le jeu puis ça, justement fou, de faire du back and forth comme ça pour voir de pour quoi voir, ça a l'air. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme look? C'est ça. Non, puis des fois, moi, ça me donnait des indices sur quoi faire. Exactement, parce que c'était un petit peu plus obvious dans le temps que maintenant. Exactement. Donc, aussi, au niveau du gameplay, c'est vraiment pas mal pareil comme avant. Donc, on a juste fait quelques petites corrections, notamment au niveau de la physique du personnage. Une des critiques qu'il y avait à l'époque, c'est que le personnage glissait beaucoup. On a essayé de corriger un petit peu ça. Puis, le gameplay est quand même assez difficile. Là, comme quand t'arrives à jeu un boss, là, comme présentement, ça fait drôle pareil. On essaie de le faire en old school. Là, C'est assez... En tout cas, t'as rien qui distrait dans le background parce que tout est noir. C'est ça. Donc, c'est vraiment, en fait, intéressant aussi de voir comment le monde se construit. Donc, tu sais, des fois, on avance dans le jeu puis on arrive à des places qu'on s'attend pas d'arriver. Tu sais, comme t'as un désert qui est dans le ciel. En tout cas, il y a plein de petits détails vraiment loufoques comme ça qui rendent ça vraiment intéressant à explorer. Par contre, ça vient quand même avec un peu les mêmes petits défauts de l'original. Donc, comme je dis, c'est pas toujours facile de savoir où est-ce qu'il faut aller. Moi, c'est ça qui m'avait découragé. Ben moi, c'est ça qui fait que je touche plus à ma copie sur Switch. Je savais plus où aller. C'est ça. Puis même sa suite, Dragon's Curse, ben je sais pas si c'est la suite là, au TurboGrafx 16. C'est le même jeu, c'est le remake en fait. C'est la version TurboGrafx, ça n'a pas le même nom. En fait, la série Wonder Boy, c'est un gros mess en général. Ouais, hein. Selon les consoles, ça change de nom, Adventure Island, etc. Ouais, c'est ça. Mais bref, mais c'est le même jeu. Donc, ça reste que c'est ça. Le monde n'est pas gigantesque au moins, donc c'est quand même assez facile de se retrouver, mais il faut quand même toujours un petit peu gosser. La physique aussi, moi je trouve que ça gosse encore un peu. Des fois, le saut surtout, il y a des moments dans le jeu où est-ce que tu as l'impression que c'est pas aussi tight que tu veux, puis il faut que tu te battes un peu avec les contrôles. Des fois, il y a des boss où est-ce que tu vas avoir vraiment. Et si t'as pas, il faut vraiment que tu times ton attaque dans le jeu. Là. Si tu fais pas ça, là, c'est vraiment difficile. Il y a des moments où que tu vas vraiment pitcher ta manette. Là. Parce que t'as souvent pas de reach avec tes bonhommes. Là, c'est la souris, mon gars. Là. C'est une fraction de seconde, des fois, ce qui fait la différence. Ouais. Par contre, ça reste quand même un jeu intéressant parce que c'est vraiment la vision de qu'est-ce qui était Wonder Boy selon vraiment les fans de la série. Tout le style graphique était refait un peu à l'européenne. Tu vois que les Français adoraient la Master System parce qu'il y a un style très européen. La qualité d'animation est vraiment exceptionnelle. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, ce jeu-là. C'est vraiment parfait. La musique est le fun. On dirait que t'as les Lost Fingers des fois qui jouent la soundtrack. Moi, ça me fait rire. J'aime bien ça. C'est le fun de voir cette vision-là d'un jeu japonais par des Européens et tout. C'est vraiment un beau jeu de fans. Ouais. Puis ça, je trouve qu'on n'en voit pas toujours assez. Tu sais, la semaine passée, la dernière fois, on avait Sonic Mania. Ça, c'en est une autre approche. Ouais, tu fais juste des jeux hommages, toi. C'est ça. Ben oui, moi, je fais du rétro nouveau. Tous les bons jeux. Ouais, exactement. Mais bon, des fois, c'est peut-être aussi justement avec un petit peu trop les fans en tête. Donc, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de nouveaux contenus. Il y a des petites zones qui ont été rajoutées et tout. Et c'est assez limité. On fait le tour assez vite quand tu pognes la twist, je dirais. Là. Donc, la durée de vie aussi est assez limitée. Puis bon, c'est... Ce qui est dommage avec le jeu, c'est que c'est vraiment un jeu magnifique, mais pour les enfants d'aujourd'hui qui sont habitués à des jeux peut-être plus faciles, c'est peut-être un peu... Hey, on s'en sac d'eux autres, on leur donne déjà assez de temps. Laissez-nous nos cassettes puis nos remakes de vieilles cassettes. Exact. C'est peut-être un peu difficile pour eux. C'est peut-être pas un jeu à Cars 3 là, que c'est ça, on a critiqué l'autre fois. Malgré tout, je dirais que pour ceux qui sont curieux de voir vraiment un des premiers jeux Metroidvania, parce que c'en était un des premiers qui a été fait, je pense que ça reste un beau jeu à découvrir si on, je pense qu'on dose bien nos attentes par rapport à ça. Donc, malgré ces petits défauts-là, moi, je lui accorde quand même un très beau 7.5 sur 10. Oh! Donc, j'ai vraiment j'aurais bien aimé. J'aurais pensé plus haut. Ouais, moi aussi. Écoute, je dois admettre que au début, j'en allais vers le 8, mais j'ai mis 7.5 parce que il y a des petits détails, je pense, qui auraient valu la peine d'être corrigés encore sur la physique, sur moi, le saut. Moi, je voulais une map. La map, tu vois, moi, ça m'a moins choqué. J'aurais aimé ça juste d'avoir une map en du level, pas toute la patente, là, mais juste le level comme tel. Mais ça devient mélangé. Mais à la base, c'est ça. Je sais pas comment tu as trouvé la physique, le glissage. Moi, la physique, et tout. J'ai pas aimé ça. C'est ça. Ça m'est arrivé souvent de mourir à cause que le bonhomme est trop mollasse. Puis ça, j'ai pas aimé ça. Soit un coup, tu glisses, tu recules. Ben, boss, là, quand tu sautes puis tu veux revenir de ton saut parce que tu le vois qui arrive avec un coup. Ça pour les boss, c'est drôle parce que autant ils sont très très très faciles, tu perds pas d'énergie, mais autant des fois tu fais juste pogner les nerfs parce que les boss te mettent dans des positions où est-ce que t'es dans un hit mais infini jusqu'à l'autre bout de l'écran. Jusqu'à la mort. Ça fait ça même avec les petits minions, des fois, là, comme le dude qui pitch du feu là, puis qui saute après sans arrêt, c'est toi. Là. Toutes les... En fait, comme... ça c'est. Ah! Pour que t'apprennes les patterns, en fait. Ouais, c'est tirer, mais il y a des. On dirait que les ennemis sont vraiment toutes faites pour gosser. Ça, c'est l'affaire que j'ai moins aimé. Mais bon, je pense qu'un 7.5, c'est quand même une excellente note. C'est une très bonne note. Juste cool. Bruno Georgel dirait un 7, c'est bon, là. C'est bon. On l'a expliqué. Il faut qu'on fasse notre échelle du. Il faut le faire. Ouais. Ça avait fait un graphisme pour ça à la maison. Ouais. C'est vraiment une belle échelle. L'échelle de ma critique. Ah ouais, l'échelle de celle à Bruno. Un jour, on trouvera cette image. Donc, c'est bon. Fait que sur on va terminer sur la discussion. Oui, on va y aller avec une discussion. Il y a Julien Leroux-Garot qui nous a demandé « Est-ce que les jeux d'aujourd'hui ont un hype trop élevé pour ce qu'ils sont en réalité, ce qui mènerait à plus de déceptions comparé aux jeux rétro où le hype se limitait aux pubs télé et aux versos des boîtes? » Yeah! Je sais pas, êtes-vous plus souvent déçus, vous autres? Ça arrive en fait parce que dans les nouveaux jeux, souvent, on nous montre plus un proof of concept, une cinématique que du gameplay. Ouais, mettons Wii 3, là. Ouais, le 3, ça, il y en a vraiment souvent. Le 3, ça sert à décevoir des gens. Ouais. Puis le 3 aussi, ça montre souvent, tu sais, des démos sur la machine la plus puissante. Chose qui n'est pas wrong dans un sens parce que le jeu va sortir, mettons, sur PC. Sauf qu'après ça, quand tu l'as sur PS4 ou sur One, là, tu fais comme « Ah, shit, c'est pas pareil. » Fait que, tu sais, t'as comme plein de... Il y a tout le temps un petit astérix à côté de tout ce qui nous est présenté. C'est comme « Ah oui, mais ça, c'était... Ouais. » Fait que, tu sais, ça, c'est tout le temps, ça en déçoit plusieurs quand même. Mais moi, je dois dire que je suis jamais déçu. Parce qu'en dedans de moi, j'ai un petit cœur noir. Et je pars tout le temps avec deux prises. C'est là, ça. Là. Je suis unhypable. Ah, ouais. Puis bon, ça, c'est toujours la blague qu'on se fait. Merci de confirmer. Je me posais la question. Unhypable. En fait... Moi, je suis enthousiaste, en fait. Par c'est rapport ça. À ouais, à vrai. Parce que souvent, Bruno, au contraire, Bruno, on se taquine comme Jeff, ça. On est dans le Porto pendant ce temps-là. C'est ça. En snuggie. Assidez-vous, câlisse. Nous autres, on s'en va boire. Exact. Souvent, nous, on se taquine un peu avec ça, avec Bruno. Puis Bruno dit que c'est parce que, bon, je suis dans l'industrie du jeu et tout. Tu sais, il y a une partie de ça, c'est sûr, qui est véridique là-dedans. Tu parles comme si tu n'étais pas là. Ah, c'est ça. Mais j'explique ça à la maison. Ils sont pas dans notre chat. Ouais, je te niaise. Puis, mais aussi le fait que, tu sais, ça fait quand même 30 ans que je suis gamer au moins. Ouais. Tu sais, fait avec le temps, on finit par être capable. Parce que t'as 57, hein. Ouais, c'est ça, exact. Moi, j'ai commencé dans la vingtaine. Quand j'avais de l'argent à ma première job. Puis, T'avais des mines. des mines d'amiante à tête forte. Elle est sous la Robert Senville. Les poumons de merde. Robert Senville, wow. Mais on dirait qu'avec le temps, j'en ai tellement vu passer des affaires que je me suis comme développé une espèce de carapace où est-ce que maintenant... T'es devenu un amer gamer. C'est ça. Ouais, puis, c'est vrai. C'est non, ben je suis pas un amer gamer. C'est pas non, vrai. Il est pas un amer gamer. En fait, ça fait que... Je suis jamais déçu des jeux qui sortent. Les attentes sont basses, en fait. Ben, c'est pas qu'ils sont basses, c'est juste qu'on dirait que j'ai comme un côté rationnel qui me dit « Hey, attends un peu de voir comme le vrai jeu, ça va avoir de quoi. Ouais. » Tu comprends? Le 3, je sais très bien que le 3, souvent, plus la démo est belle, plus la démo... plus la démo vient d'un jeu qui est vraiment pas fait, tu sais. Puis on voit la différence des fois à le 3. Tu sais, moi, maintenant, mon benchmark, c'est est-ce que quelqu'un a pu jouer à ce jeu-là devant une caméra sans que quelqu'un le joue devant lui. Tu sais, quand c'est une vraie démo avec une prise en main, là, je pense que tu peux commencer à te hyper parce que ce jeu-là existe. Ouais. Mais tu sais, quand on lance, je faisais la blague avec Anthem, là, le jeu que tout le monde s'est primé avec ça à l'E3. Ah, et là, toi, t'as pété la ballon assez rapidement. Moi, j'ai dit. Puis depuis l'E3, on n'a pas entendu parler de ce jeu-là parce que il travaille dessus, mais il n'existe pas. Mais tu l'as tué, ce jeu-là, pour moi, en fait, parce que il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé par la suite. J'ai dit, ouais, t'as-tu entendu que Fred a dit sur le podcast, parce qu'en fait, lui, il dit que ça sera vraiment pas bon, parce qu'en fait, c'est un démo. Ben, en fait, j'ai pas dit que ça serait pas bon. T'as dit faut pas ça, dit c'est une, que ça, c'est pas un concept, jeu. C'est pas c'est un ça. Jeu. Ce qu'on a vu. Ce qui est logique, en fait. C'est comme si aujourd'hui, ils sont capables d'avoir cette démo-là qui roule sur papier, la compagnie serait en train de juste comme rinse and repeat, tu sais, refaire la recette, refaire des maps, refaire des... Puis ça serait fini, tu sais. Oui. Puis on enverrait du gameplay et tout, mais bon, la réalité de la chose, c'est que c'est une annonce, tu sais. Maintenant, je pense que il y en a des fois qui sont à l'aise avec ça, tu sais, de montrer finalement... C'est pas nécessairement un proof of concept, mais tu sais, comme quelque chose qui roule dans l'engin, qui paraît bien, tu sais. Mais moi, même encore là, s'il avait montré de quoi qui roule dans l'engin, t'aurais probablement fait... Ouais, mais c'est remote, ils sont loin, on voit pas les machines. Non, ben ça, je suis pas là. Après ça, c'est le 3, hein, c'est du spectacle. Vous rappelez-vous au début de Mighty No. 9? La belle promesse. Le monde en parle dans le chat en ce moment de ça. Puis quand le démo, pas le démo, mais le vrai gameplay est sorti, proche de la fin, là. Là, on était comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des voix par-dessus. Ouais, oh, c'est full malade, tu sais. C'est une joke, tu sais. Tu peux prendre les armes des boss. Là. On était totalement ailleurs de tous les genres de gameplay de, qui avaient l'air de Gunvolt, Azure Striker, Gunvolt-esque. Puis ça, c'était magnifique. Puis là, soudainement, on était rendu, comme j'avais dit dans un show précédent, avec de la patte patrouille. C'était quelque chose. C'est devenu Mais c'est ça, mais c'est... Et là, j'ai peur pour le nouveau Castlevania, là. Ouais. Bloodstained, là. Ben, j'ai joué au démo. C'est vrai. C'était correct. C'était à travailler encore, puis ils vont l'améliorer parce que les fans ont pu prendre... D'ailleurs, c'est une très bonne chose quand les gens... Tu sais, je pense que c'est mieux... C'est mieux d'avoir toute ta marde avant de sortir le jeu que de constater en sortant le jeu. Exactement. Je pense qu'une chose qui est bonne, c'est de faire ça, tu sais, de faire jouer le jeu aux gens. Comme ça, les gens se disent que c'est de la marde, t'as le temps de le corriger, tu sais. Mais moi, je fais exactement la même approche avec mes clients. Oui. Parce que quand il faut que je design de quoi, là, tu sais, je fais pas tout le truc, puis je dis « voilà ». Mm-hmm. Tu sais, comme j'envoie une couple de pistes, là, brouillon, en leur disant la typo, c'est pas finale, le design, c'est pas nécessairement final, mais ça, c'est une vision, ça, c'est une vision, ça, c'est une vision. Exact. Puis là, on se dirige, on y va étape par étape. Et je pense que c'est un bon processus construction créatif pour s'assurer d'avoir un produit, ça accroche. Mais tu sais, tu parles de la créativité, puis moi, justement, mon approche par rapport aux jeux vidéo est la même que j'ai avec mon travail, puis c'est d'être enthousiaste par rapport à quelque chose au lieu d'être négatif direct en partant. Ouais, c'est ça. Puis ça, dans les jeux vidéo, moi, en fait, je me dis, je donne une chance à tous les coureurs. Puis je t'enthousiaste par rapport au produit jusqu'à temps qu'il me soit livré ou que j'aie la chance de l'essayer. Puis après ça, je verrai si moi, j'aime ça, parce qu'il y a aussi une autre affaire, c'est que on se fie beaucoup à l'opinion populaire. Puis, tu sais, comme, mettons, toi, à soir, Dragon's Trap, tu sais, on a un ami qui, lui, il aurait donné 10 sur 10, tu sais. Cédric aurait donné 10 sur 10. Tous les Français auraient donné 10 sur 10. Exact. Ils ont tous grandi avec du Master System. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est quand même variable. Puis, moi, j'aime mieux me dire, ben, ça va être bon. Puis, tu sais, si c'est pas bon, ben c'est pas grave. Il y a tellement de jeux. Non, c'est sûr. Que c'est pas trop grave, mais j'aime mieux être enthousiaste que de faire comme off, regarde, et c'est pas vrai, c'est pas. Non, mais c'est pas une question. En fait, ce qui est drôle, c'est que je trouve que les gamers ont tendance à être comme bipolaires un peu. Puis, c'est tout est malade. Puis, quand quelque chose sort, tout est de la merde. Il n'y a pas de juste milieu. Puis moi je me trouve toi, juste au milieu. Dans le milieu. C'est, c'est ça. Paniquez moi, genre, il y a des jeux... c'est de la merde. C'est pas grave. Il y a des jeux que je regarde puis que je sais, c'est comme ça. Là. Genre moi, quand la première fois que j'ai vu Titanfall 2, là, j'ai tiré mon portefeuille sur l'écran. Là, c'est comme « take it ». C'était rien d'extraordinaire, mais je savais exactement, je comprenais c'était quoi le jeu. Je savais exactement ce que j'allais jouer, puis c'est vraiment ça que je voulais. Puis j'ai jamais été déçu par ce jeu-là. Mais après ça, tu sais, quand je vois comme God of War 4, je trouve ça... Oui, je trouve que c'est super beau, c'est intéressant et tout. Mais je me dis, OK, mais tu sais, je feel pas c'est quoi exactement le jeu. Tu sais, j'ai pas envie de me faire une version dans ma tête de un fantasme de qu'est-ce que le jeu pourrait être, tu sais. Alors que, dans le fond, tu sais, je vais me créer moi-même de la déception. Tu veux pas avoir mal, je comprends. C'est ça, je veux pas m'embarquer, c'est pas correct. On t'a blessé dans le passé. On reste des amis. Non, mais... mais God of War, tu parles par rapport à ce que t'as vu au E3 ou... Ben, tu sais, comme à l'E3, en fait, à l'E3, on a pas vu grand-chose cette année. Là. Il y avait une... Ben, on a vu pas mal. God of War... Attends une minute. Je donne un exemple de God of War parce que... Le nouveau... Exactement, le nouveau... Ben, on a vu pas mal. Ben, on a vu pas mal, on a vu du gameplay. Ben, on avait vu du gameplay. Ben, cette année, on a vu une bande-annonce. Ah, on a vu pas mal de gameplay. Ben, il semble y jouer sans arrêt. Du gameplay monté dans une bande-annonce. Moi, je veux dire, on n'a pas vu de démo live. Là. On n'a pas vu de... On sait pas c'est quoi... Non, mais il y a du monde qui ont joué et qui ont écrit des articles par rapport au jeu. OK, mais tu sais... ce footage-là était behind closed door. Fait que, tu sais, on s'entend c'est pas possible. Ton jeu est pas extraordinaire si tu le mets derrière closed door. Tu veux que les gens le voient, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais bon, je veux pas briser les rêves de personne. Je dis juste moi, je suis bien relax. Moi, je dis juste moi, tout va bien. Tout ce que je dis, c'est... Moi, j'ai rien contre les gens qui se hype, mais tu sais, en même temps, c'est comme... c'est comme virer une grosse brosse. T'es sur le party à fond la caisse, mais tu sais, le lendemain, ben ça. Tu vas plus t'en bois plus que le lendemain t'as mal à la tête. Ouais. Fait que c'est des fois, encore. Là, c'est ça. Là, Crimson Dom, lui, il est pas de même. C'est ça. Ouais, moi, j'en ai. C'est brosse. Mais tu sais, comme une compagnie qui le fait bien, j'ai pense, l'air de quoi. Nintendo le font bien, ils le managent bien. Ouais. Dans le sens que. Il te montre. Ouais, mais des fois, il te hype pour justement dire, bah, il y en a pas en magasin. Non, mais ça, c'est pour le hardware, mais tu sais. Ils vont faire des grosses démos vraiment détaillées du jeu. Tu sais, Zelda, moi, Zelda, j'étais content de l'acheter. Est-ce que j'étais hypé et j'avais vraiment hâte? Oui, j'avais le goût d'y jouer. Est-ce que j'avais hâte? Tu sais, j'avais d'autres choses à jouer entre-temps. Il y a aussi cette réalité-là de la vie. Ouais. Mais tu sais, on comprenait exactement c'était quoi le jeu. Tu sais, comme, tu prends la manette et tu as déjà une bonne idée à peu près qu'est-ce que. C'est ça, je trouve ça correct. Moi, j'aime ça me rassure. Moi aussi. Puis moi, je trouve qu'ils ont la meilleure approche qui existe sur le marché. Tu sais, les Nintendo Direct, je trouve que ça a changé la façon qu'on voit le marketing des jeux vidéo. Ça, c'est une bonne idée. Puis au départ, tout le monde les traitait d'imbéciles. Disait, voyons donc, c'est pas de même qu'on vend un jeu, gang de cave. Tu sais, pourquoi vous allez pas au E3 comme tout le monde? Puis pourtant, les gens continuent à faire des conférences. Ben, puis le monde sont blasés. Ils viennent annoncer un Direct ce mercredi. Je pense qu'il était pas annoncé. Ils vont annoncer quoi, eux autres? Ah, il l'a annoncé lundi. Ça c'est du hype comme inattendu. Ça, complètement. Ça va être 45 minutes. On est tous de bonne humeur. On sort demain, on a ça à regarder. Mais c'est ça aussi. Moi, je veux juste comme... je me dis, c'est juste bon de garder la bonne humeur par rapport aux jeux vidéo. C'est comme si t'attends ta fête, puis t'es juste comme... Oh, mais je suis déçu à chaque fois. Mais c'est pas une question d'être déçu. C'est pas. C'est juste que. Je sais pas. Dans le sens que. Il y a plus de jeux que moi j'ai le temps de jouer dans ma vie. Là. Ouais. Fait que tu sais. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir des nouveaux jeux toujours. J'en mais t'as mieux, admettons, à être extrêmement informé avant de jouer un jeu. Avant vraiment de capoter et d'arracher ma chemise, il faut vraiment que. Oh, ok, ça, c'est ça. Ça c'est une valeur sûre. C'est ça. T'investis. Mais après sinon, je vais être curieux. Je vais les acheter à leur sortie. Je vais être content de me procurer des beaux nouveaux jeux. Mais j'ai tellement d'autres jeux à jouer que c'est comme. On va en jaser à la job, là, c'est sûr. On en parle et tout. Mais. C'est ça me rend curieux. C'est comme. Je suis comme Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Ouais. Like, at first I was curious, but now you have my interest. En tout cas, je trouve comment qu'il y a cette phrase-là. Mais c'est ça. C'est pas négatif, mais souvent les gens le perçoivent comme du négatif. C'est drôle. Tu sais, comme je te dis, les gamers, on dirait que c'est tout ou rien. Tu sais, c'est comme tout est extraordinaire ou tout est de la merde, puis le milieu est comme. C'est la définition de l'Internet aussi, ça. Là. Tout est bon, c'est de la merde. Fait que c'est peut-être juste symptomatique d'être sur Internet et s'informer par là. C'est ça. Quand tu parles des gamers, est-ce qu'ils sont vraiment comme... Ah, c'est de la merde, wow, c'est fou. Le monde, parce ils sont pas tout souvent temps, plus mitigés, ça. Je pense. Dans la vraie vie, exact. Autre que du web. Non, là. c'est sûr. Parce que ça arrive souvent, là, moi, que je regarde de quoi une annonce de jeu, tu sais. Puis là, c'est écrit « Rip Nintendo, rip Sega, this game is gonna be shit ». Puis là, tu sais, ça vient d'arriver, tu vois les 10 premières secondes du trailer, tu fais comme... Calice, man! Ouais, le 3, c'est à quel drôle, point ta vie est misérable pour que tu dises des affaires de même ça, ce après même. 10 secondes, tu sais? Mm. Fait que moi, c'est pour ça, c'est ce côté-là, on dirait que, tu sais, autant que oui, il y a du monde qui sont trop hype, mais autant que d'autres mondes, c'est comme Christy, mon gars, bois un jus d'orange, là. Tu sais, sois un peu plus positif dans la vie. Il y a du monde qui sont juste trop fâchés à propos d'un simple jeu. Il y en vidéo. A qui votent avec leur dollar, puis on dirait qu'ils peuvent pas changer d'idée, t'sais. Exact! C'est très. C'est, en même temps, c'est dans le temps, c'était comme ça aussi. Tu sais, ah oui. On achetait une console, t'en avais rien qu'une. Là, tu sais, à ça, on est des adultes irresponsables qui on peuvent acheter si on veut. Cracher 500$ à gauche et à droite sur une nouvelle console. Mais dans ce temps-là, c'était nos parents. Puis, c'est le plaisir de travailler fort et dépenser ton argent dans des affaires inutiles. C'est ça. Essayer de recréer ton enfance. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en avait pareil, du hype, là, comme on en parlait un peu à la blague l'autre jour. Ben, quand j'ai eu mon Nintendo Power de Mega Man X, là, que le cover était silver embossé, je dois te dire que j'étais hypé que le Chris. Et j'ai pas été déçu. Non, c'était bon. Mais j'ai été déçu de ben des affaires. Toutes les. Hein? Bayoubili. Ouais, Bayoubili, ça c'est sûr, parce que c'était Konami, puis il y avait ben des affaires. Puis. Quand on parle de Bayoubili, il faut mettre au moins ça. C'est juste ça que t'entends de la Bayoubili. Tous les jeux de Acclaim qui sont des jeux de films. Tous les jeux de. Mettons NES, là, tu sais, même Super NES et j'en passe. Là. Mais c'est tout le temps mauvais, tu sais. Des, ouais, ou c'est vrai, rarement ça. Bon, en fait. Là, à, c'est 1 sur 50, là, ouais. Si on parle de toutes les générations. J'essaie de trouver un bon. C'est toute la merde. Mais moi, à toutes les fois, j'espérais que ça soit bon. Ben, Batman, Batman Returns au NES. Hey, Total Recall, Batman au NES. Je voulais que ce soit bon. Toutes les Batman au Super NES sont pas mal plus bons, là. Ok, ben, c'est juste. Je pensais que tu parlais des jeux d'Acclaim, là, c'est pour ça. Là. Ouais, non, excuse. Je pensais que tu parlais d'Acclaim. Ben, Alien 3, moi, j'ai beaucoup aimé. Là. Mais oui. Voilà. C'est ça. Ça, c'était tout le temps déception. Puis c'était pas parce que, tu sais, on était jeunes, on avait juste un jeu à Noël, puis on avait juste un à notre fête. Moi, je suis né à Noël, fait que j'avais les deux en même temps. Fait que c'était long, là, il se passe autre c'est chose. C'est ça, moi, je serais... Quand tu reçois... Mais plus jeune aussi, on avait joué à moins d'affaires. Fait que être hype par rapport à... Tu recevais un Nintendo Power où t'achetais un GM, puis là, tu regardais un jeu, puis t'es comme, ah, ça va être malade. Puis là, au final, tu y arrivais, puis c'était pas incroyable, mais... Ouais. Ben, moi, Mortal Kombat 1 au Super NES... J'avais été satisfait, assez pour le demander à Noël. Ouais. Mais d'ici à ce que Noël arrive, quand Noël est arrivé, j'avais déjà joué assez. Ça me tentait plus. Trop tard, je l'avais demandé, je savais qu'il était acheté. Ouais. Mais c'était sûr. Mais tu sais, je pense que le je vais juste finir là-dessus, peut-être. Mais le premier hype là, que moi j'ai vécu, que je pense que plusieurs de nous ont vécu, c'était Mario Bros. 3. C'est pas Mario Bros. 3. Ah, ouais. Dans The Wizard. Tu sais, c'était comme le big reveal. C'était comme la première fois qu'on voyait ce jeu-là. Ah, oui. Ça, c'était big. Je me rappelle, on en parle. Tout le monde avait écouter The Wizard pour. Mais j'avais été tellement déçu de ce film-là qu'il y a ici peu de jeux vidéo. Ah oh oui, t'attendais le bout. Du voyagement. Chris, il y avait pas. La Californie. C'était mauvais, mais tu voyais Super Mario Bros. 3 puis hey, il trichait. Ça valait la peine. Il trouvait tout. Ah oui, vraiment. Là. C'était ça, cette scène-là, t'es merveilleuse, mais le restant du film, c'était long. Ah, c'était plate. Ah, ben. Colin. Est-ce qu'on se souvient qu'il y avait Christian Slater dans ce temps-là? Ouais, il avait fait Cuffs. Ouais, ça Cuffs, bon. C'était malade. J'avais aimé ça. Puis lui, il était dans le vent, aussi, puis c'était le pire film pour sa carrière. Robin des Bois. Ouais. Comment ça, son pire film? Ben, ça a marché, Cuffs. Non, mais Wizard, c'est son pire film, Christian Slater. Ouais, il avait-tu un rôle si important? Non. Ah ben, ça, non, mais il était dedans, puis c'était un point de vente. Là. Fred Savage, c'était pas lui qui faisait vendre des billets, c'était Christian Slater. OK. Puis après ça, t'avais le père de Jeff Bridges. Là. Monsieur beau. Bridges. C'est-tu beau? je me trompe tout le temps. Ça, c'est comme les frères Bridges, Baldwin. Je me trompe tout le temps. Ben, parce que les frères Baldwin, il y a Stephen, puis Alex. Alex. Il y en a une couple d'autres, pour vrai. Daniel, Billy. Toutes des acteurs. C'est ouais, c'est ça, toutes des acteurs. Pas une prochaine question. C'est comme les Arquettes. Les Baldwin contre les Arquettes, man. Ah, les Arquettes. Oh, Patricia Arquette. Ah, bon boy. Ah, si on se souvient tous de Patricia Arquette. Hey, on a reçu. Il y a Fred qui nous a parlé de trucs, ou c'est toi qui nous a parlé ouais, de trucs? Ouais, ben c'est ça, là. On a une nouvelle chronique surprise qu'on va faire en fin de show. Ça s'appelle Le truc des pros. Oh, donc, okay. C'est cool. Rétro, là, dans le fond. On va vous expliquer un peu comment faire des choses spéciales. Puis cette semaine, c'est Fred qui va nous expliquer comment pas se faire péter nos scènes à Sonic. C'est à Sonic Mania, yes. Ah, ouais, wow. Yes, c'est vraiment pas compliqué. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est tu prends ta manette.